l'émission. Ah ouais, que vous nous voyez. Et quelle raison? Pourquoi? C'était les vax. Ah, les vax. Enfin, pour vaccin, ouais, les vaccins. Pour toi, oui. J'ai pris des petites vagues. Toi, t'as tourné, t'as fait des choses aussi. T'étais, ouais, t'es bien occupé. Ouais, c'est ouais, ma faute, ouais, entièrement. L'inverse des vacances, tu veux dire. Tu pourras nous raconter? Non. T'as pas oui, le droit? C'était... T'es sous embargo? Non, j'en sais rien. Y a rien, y a pas grand chose à raconter. Non, mais voilà, on a pris une petite pause. Parce que on est le genre de personnes qui prennent des pauses à un mois des vraies vacances. Voilà, c'est logique. Encore et... une fois, juste toi. Ouais. Mais on n'est pas concerné. Mais voilà, on est quand même content de revenir, surtout aujourd'hui avec. Nous recevons, voilà, tout simplement. Et c'est un terme bien à moi que j'ai utilisé. Soyez pas étonnés, c'est un compliment que je donne comme ça aux femmes. Je suis un allié. Hein, je sais pas si vous savez. Je crois poulettes. Que vous avez quelque chose sur votre tête, je pense. Vous êtes deux queens. Oh. Ah non, mais je vous le dis. C'est une couronne. Oui, ouais. Je suis... La première est productrice et autrice. Vous l'avez peut-être vu ça et là jouer des petits rôles dans les années Golden et Bagel, mais c'est bel et bien dans l'ombre qu'elle a œuvré à la production. Si tout ça a existé, c'est quand même pas mal grâce à elle. Depuis, elle a produit des émissions pour Canal+, avec Monsieur Poulpe, les frères Pétou sur la chaîne de Bagel, mais aussi le film Stéphane, qu'on adore, de Lucas Pastal. Oui. Lucas Pastal, hein, pas Pastor. Pastal. Lucas Pastor et Timothée Hochet. Elle a co-créé récemment l'émission Soirée Mousse pour la chaîne Twitch de Natou. Elle aura pas de coup de soleil sur le bout de du nez cet été car elle a énormément de casquettes. C'est Vanessa Bria. Oh là là, joli. Incroyable. Ah, j'ai les vacances, je reviens avec une plume. Je me demande si t'as pas déjà fait cette vanne, cela dit. Sûrement. Je crois que tu l'as dit. Attends, c'est toi ou ChatGPT? On est perdu. La nouvelle version là. La deuxième queen est une habituée de l'émission. C'est simple, à chaque fois qu'elle vient, Daniel Balavoine se retourne dans sa tombe. Et pourtant il en a vu, ce môme des années mitrans. Actrice, autrice, youtubeuse, propriétaire d'un salon de coiffure café et maintenant streameuse. Mais c'est Nathalie Ogerichko. Oh ouais, ouais. Je suis une Twitchos. La Twitchos sûr. Ouais. La pas, et pas la petite chaussure, oui, la Twitch chaussure. Et auteur de la chanson La Pita. Oui, je suis triste que tu ne l'aies pas mentionné. Auteur et interprète d'ailleurs. Bien sûr. Est-ce que tu as vu récemment ce qui s'est passé? Je te l'ai envoyé. Non. Il y a quelqu'un sur YouTube qui a repris les chansons qu'on faisait de Balavoine qui chante des recettes en mettant la vraie voix de Balavoine. Mais non. Oui, ah, c'est génial. Ouais. Ah, j'adore ça. Incroyable, on la mettra un moment dans l'émission. Et de toute façon c'est les IA, c'est fou ce qu'on arrive à faire avec les IA aujourd'hui. Mais c'est incroyable. Pour moi elles vont nous remplacer. Et les machines, c'est terrifiant. Mais en fait on va rester dans notre lit en fait après. Franchement. Pour moi c'est Terminator, tout ça quoi. Matrix. C'est Matrix. Donc oui, j'étais pas là parce que j'étais en vacances au Japon. Oh. J'ai découvert le Japon et avant toute chose je vais vous le dire, j'ai des cadeaux pour Adrien Méniel. Des cadeaux. Moi aussi j'ai un cadeau pour Adrien. Ah ouais. Je crois que j'ai vu. C'est quoi le cadeau? Non. Ah tu l'as posé là. Tu l'as mis sous le nez. C'est le quoi, livre. Montre-lui le cadeau. Non, c'est pour la fin, c'est ma recommandation culturelle du coup, parce que j'ai rien d'autre. J'ai d'abord un cadeau qui va te faire plaisir. Ce sont des PES The Office. Ah, génial. Voilà, de Michael Scott. Et tu verras, ils sont pas si mal faits, ce qui est rare. C'est ils sont très bien faits même. Ils sont très bien faits. Donc c'est génial. C'est un PES Michael Scott et un PES Dwight Schrute. Je t'ai conseillé de manger les bonbons, je pense que c'est très vieux. Il faut savoir qu'en fait c'est à... C'est vintage. Bah, en fait... Enfin vintage, The Office a 15 ans, donc enfin non... Ouais, un truc comme ça, je crois. Oui, remarque, si c'est périmé plus de 15 ans, ça peut être immonde. Parce qu'en fait au Japon, t'as des quartiers, donc t'as... Shinjuku bien sûr. Entre autres, Shibuya et Bisou. Évidemment. Mais le quartier un peu geekos, qui est un peu cool. C'est Mario. Mario Land. Non, mais t'as un endroit qui s'appelle Nakano Broadway, qui est en gros un espèce de stand commercial sur 3-4 étages. Et les derniers étages, c'est que des reventes de trucs de pop culture à l'ancienne. Oh, donc moi, je me suis régalé. Rêve d'allier dans cette ville. J'ai acheté des aliens, des monstres Oh là là, mais t'en avais pas en plus. J'ai acheté cette sublime figurine Jackie Chan. Oh, encore dans sa boîte, voilà. Et en plus, le Japon, hélas, en termes d'économie, c'est une cata en ce moment. Enfin, c'est-à-dire que quand tu arrives, ah oui, le yen est bas, tu veux le dire. Le yen est très bas, ah, ouais. Et donc tu as un énorme pouvoir d'achat quand tu vas dans le pays. Okay. Et donc du coup, tu payes ça rien du tout. Ah, ouais. Mais ce n'est pas le seul cadeau. Hein, je suis désolé, la boîte est un peu abîmée parce que voilà, Air France ne fait pas toujours attention au bagage. Mm-hmm. Bon, c'est pas très grave. J'ai un deuxième cadeau qui est assez surprenant. Il s'agit d'une boule de bain Fast and Furious. Ce que je trouve assez dingue. Il y a un grand écart qui est assez. Bah, en fait, et en même ça, temps. Ça, c'est une belle merde. Oui. Non, mais en même temps, c'est moi. Parce qu'il faut savoir qu'Adrien adore les boules de bain. Il m'a déjà offert une boule de bain. Que voilà. T'as détesté d'ailleurs. J'ai haï l'expérience. Il m'a offert, il m'a dit, mais je vais pas l'utiliser, tellement. C'est nul. J'ai utilisé, j'ai pas aimé. Voilà, comme quoi je me. C'est connais. Vrai, mais comment. J'ai pas trop aimé. Quelle satisfaction tu as avec les boules de bain? Et ça sent mais bon. Ça crée un petit événement. Mais oui, c'est une petite fantaisie quoi. Ça sent bon. Et en plus, des fois, il y a du genre, il y a un peu un truc qui hydrate la peau dedans. C'est pas que. Alors, c'est en ça où je te peut-être déconseille de l'utiliser. J'ai après, je mal. Prends pas de bain, hein, je suis écolo, bien sûr. Mais à mon avis, ce qu'il y a dedans est terrible. Je te déconseille de prendre un bain avec ça. C'est au pétrole. Ouais, c'est ça, à la sueur de Vin Diesel. Au kérosène. Et ce qui va faire des virages dans ta baignoire. Ce qui m'étonne, c'est que tu peux pas faire plus éloigné d'un truc relaxant et calme que un bain que Fast and Furious. C'est ça, c'est le grand écart qui est fort. Ouais, non, mais en plus, ça veut dire que juste sur la boule, c'est marqué Fast and Furious. C'est ça le concept. Alors justement, tu as plein de boules parce qu'il y a au Japon, ils ont beaucoup des trucs autour du hasard. Tu vois, tout est un peu un jeu. Mmh. Ah, les gachapons, tu veux dire. Exactement. Et donc là, tu as un des logos de Fast and Furious qui a 10 films. Et donc, est-ce que tu auras le 2, le 3, Tokyo Drift en l'occurrence? Ah oui. Le 4, le 5, Drift, bien sûr. Génial. D'ailleurs, très peu de drift à Tokyo. C'est bien parce qu'ils mettent. Il y a des petits schémas pour expliquer comment s'en servir. Il y a vraiment genre le bain avec la boule pas dans l'eau, avec une flèche, ensuite la boule est dans l'eau et après rien. Bah, oui, c'est oui. Ce mettre la boule dans l'eau quoi. Enfin, oui, d'accord. Là, voilà. Et donc c'était sublime, mais c'est génial. Vrai que c'est un peu le. J'ai adoré le voyage au Japon. Toi t'es allé au Japon, Nathalie? Oh, plusieurs fois. C'est ça. Oh, je rêve d'y aller. C'est fascinant. Tu avais fait le truc de la. Tu l'avais raconté dans ton vlog et je me suis dit mais bien sûr que c'est une expérience désagréable. Quand on dort dans une capsule. Les capsules. Tu peux raconter aux gens non, ce que c'est. C'est terrifiant. Mais en fait, je voulais tester cette expérience avec ma mère qui, je rappelle, a 72 ans. Et je me suis dit, ça serait marrant de le faire avec elle. Oui. Et en fait, c'est vraiment littéralement des capsules, comme dans Matrix. Vraiment, ouais. Tu te retrouves ouais, oui. dans ta petite chambre qui n'est qu'un lit finalement. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a tout le monde qui est dans un mur de capsule et t'entends les autres ronfler, t'entends les sonneries, les alarmes, t'entends les broutes. Mais t'entends c'est tout. Il n'y a plus d'intimité. Et ma mère était vraiment en plus collée au mur qui était collée au WC. Et d'accord. Donc en plus, elle avait les chasses d'eau toute la nuit. Et vraiment, ma pauvre maman de 72 ans, le lendemain matin, je l'ai vue, mais dans un état pas possible. Ah, vous avez les passé la nuit, l'air. La mais nuit oui, dedans. Je me suis dit, ça va être super de partager ça avec elle. Mais c'est la et morgue, mais cauchemar. Vivant, quoi. C'est ça. Et tu sais, t'as une espèce, ta porte, c'est juste un store que tu baisses. Et les voisines d'en face riaient entre elles. Et elle a vraiment soulevé. J'ai entendu ma mère soulever son store et faire chut. Stop, please stop. Et du coup, ça les a calmés. Mais bon. Mais elle aime ce genre de truc un peu farfelu sur le papier ou elle t'a vraiment suivi dans ton délire? Ah oui, délire. Non, elle aime bien. Mais même oui. elle se disait, ça va être fun oui, et voilà. tout. Let's go. Et c'était un hôtel spécial femme. C'était que d'accord. pour les petites. Poulettes, les petites poulettes. Bien sûr. Les reines, les comme tu les appelles. Bah, les reines, ouais. C'est pour moi, tu as fait tomber ta couronne, Nathalie, tu vas la remettre sur la tête tout de suite. On a slay avec ma mère. Oui, oui, bien sûr. Capsule. Et ça, ils ont beaucoup. Enfin, ils ont un vrai truc de séparer. Parce que nous, on l'homme était... de l'artiste. Déjà. Hélas. Non, homme et femme, puisque dans le. Nous, on est dans un hôtel où il y avait un. Hammam ou un sauna, je sais pas, je confonds toujours. Les onsen. Voilà. Ouais. Non, mais c'était dans l'hôtel. Oui, non, voilà. Ça, c'est un ça. Groupe. Et on avait pas. Mais il y avait aussi le groupe onsen. Onsen ouais, okay, c'est ça. Et on n'avait pas de maillot de bain. Et ils ont dit, mais il n'y a pas besoin de maillot de bain. Parce qu'en fait, c'est séparé. Et c'est à poil, en fait. Oui, oui. Là-bas. Oui, bah après, donc, je n'ai pas le droit fait. De pas vouloir montrer ta queue. Ouais, voilà. Aussi, c'est ça. À des garçons. Oui, oui. Il y a des gens qui sont pudiques. C'est pour ça que je ne suis pas allé. Ah, le petit pudique, là. Moi, je suis pudique. Moi, je comprends. Non, mais en vrai, ce genre de concept, tu as des hôtels mixtes. Mais là, en l'occurrence, c'était juste pour les femmes. Oui, voilà. Oui, oui. Mais le concept est chouette quand tu passes une nuit rapide et c'est vraiment pas cher en plus. Ouais. Bah, j'espère. Ouais. Voilà. C'est pas cher. Dormir dans une boîte. Mais ça se réserve vraiment comme une chambre d'hôtel ou c'est un truc. Parce que moi, il y a quand même, en termes d'hygiène, c'est quand même carré un peu. Non, ou... non, vraiment, c'est carré le Japon. De fou. Oui, oui. Là-bas, tu manges par terre. D'ailleurs, je vous le dis, j'ai mangé que par terre. Même la rue. écoute, c'est délicieux. Alors, ils sont polis ou pas? Oh là là. Est-ce que c'est un mélange de modernité et de tradition? C'est les deux. Ouais, c'est vraiment, c'est je vous fou. Le dis, c'est les deux. Non, c'est vraiment, j'ai adoré. Je connaissais pas du tout, moi. Je sais que j'ai une image de pur geekos. Mm. Mais je lis pas de manga, je regarde pas d'anime. La culture japonaise m'est vraiment très étrangère, enfin, pas du tout familière. Et j'ai vraiment découvert ça par insistance de ma compagne qui voulait aller au Japon. Et c'est vrai que c'est vraiment l'ambiance du pays. Alors, j'y connais rien. Peut-être que des experts me diront que la base de cette ambiance, ce sont des choses terribles. Ouais. Mais effectivement, les gens sont très gentils, très calmes, très polis. Tu sens qu'ils sont un peu hypersensibles de... Tu sais, maman Clara, un peu plus, comment dirais-je... Extraverti que moi, est allée voir quelqu'un pour lui demander où est-ce qu'elle avait acheté son t-shirt. La personne a paniqué. Elle a pleuré. Ah ouais. Elle a pleuré. Ouais, non, mais un peu, elle a fait... tu sais, il y a eu un petit pas en arrière de « Waouh, pourquoi tu me parles? Qu'est-ce qui se passe ?» Entrer dans mon espace vital. C'est ça. Alors qu'elle n'y est pas allée en mode « Hey, elle a chape, là !» Non, c'est pas clair, du tout. Non, non. C'est vraiment mon peuple. Faut vraiment que j'aille vivre là-bas. Bah, je sais que c'est un méga cliché, mais c'est vrai que la file d'attente dans le métro et le silence absolu dans le métro. Oh là là. Oh là là. Moi, je prenais le métro juste pour ça. Pour le plaisir d'avoir le silence. Et c'est quoi ton meilleur souvenir là-bas, du coup? C'est quoi Alors, ce que t'as préféré? Alors, c'est terrible, mais c'est les boutiques de Nakano Broadway. Parce qu'en fait, ils revendent vraiment des jouets des années de quand on était petit, des années 90, et c'était assez dingue de voir comme un magasin de jouets de quand j'étais petit, c'est-à-dire qu'il y a les boîtes, et en plus c'est pas cher, donc t'as un peu envie de tout acheter. Ça c'était assez ouf. Après, on a vraiment fait que Tokyo, et on a fait juste une petite escale à Hakone, qui est en gros une petite ville à côté, qui est la ville où tu peux voir le mont Fuji. Et vous l'avez vu, et on l'a vu, et ça c'était dingue, parce que Clara, quelle elle a chance. Tout un rapport avec la nature, les choses comme ça, donc ça la touche énormément, des trucs comme le mont Fuji. Bon, un peu moins, mais je suis forcément touché de l'avoir touché, et ça nous a fait trop du bien d'être un petit peu loin, en fait, d'être un petit peu déconnecté, parce que c'est vrai que c'est quand même une énorme ville, Tokyo, quoi. C'est quand même un truc, la bouffe aussi c'est exceptionnel. J'ai adoré manger là-bas, les barbecues, les trucs comme ça. Et ta chanson de karaoké, du coup, c'était... Moi, j'en ai fait plusieurs. J'y ai eu Pulp. Moi, je trouve qu'en karaoké, je suis très groupe anglais, vraiment anglais. British, quoi. British. Je trouve que ça se gueule bien. Ça, tu vois, des Pulp, des Oasis. Ah oui. Non, mais tu vois, il y a une ambiance 100%. Où t'as envie de Franz Ferdinand, des choses comme ça. C'est chouette. Ce serait quoi, vos chansons de karaoké? Ah, moi, c'est Dalida, Parole. Ouais. À chaque fois. Parole. Donc, mais c'est de chant pour l'autre. Ouais. Mais non, mais on. Écoute, non. Arrête. Non, mais c'est génial, justement, il y a un acting de Long et Dalida. Ouais. Non, c'est génial. Et toi, Vanessa? Moi, je fais assez classiquement Don't Speak de No Doubt. Ah, bah c'est pas si classique, hein. Ah ouais? Quand tu dis classiquement, j'aurais pensé à un truc genre Céline Dion, France Gall. Oui, ou non, des, ça raconte autre chose dans la partie du karaoké. Non, Don't Speak, c'est pas si. Ah ouais? Non, selon moi, après, selon mes critères, tu vois. Toi, Adrien? Moi je l'avais déjà dit dans le et podcast et avec Rosa Bernstein. Et alors je sais plus. Oh là là. Si, allumer le feu de Johnny. Mais... Il est pas parti en vacances, il l'a dit, hein, il est pas parti. Je suis de mauvaise humeur. Il est en burn-out. Mauvaise humeur, j'ai le droit. Non, ouais, Johnny, je crois, ouais. Je sais pas, j'en sais rien. Oui, oui. Moi je suis versatile en fait. Pour les gens qui découvrent l'émission. Attends, mais qu'est-ce que tu t'es acheté aussi de foufou? Ah, de toi, foufou pour toi? Non, mais alors moi j'ai pas fait le des jouets de bébé. Ouais, c'est ça, maman, que ça. Voilà, j'ai fait beaucoup de cadeaux aux copains. Mais je suis très rassuré parce que. Mais il est où mon cadeau? Clara, es-tu? C'est pas moi qui ai fait. Ok. Parce que je le dis, mais sur WhatsApp, tu m'avais envoyé une photo d'un autre truc en disant je t'ai acheté ça. C'était quoi? C'était une figurine de Minimi de. Ah oui, non, je l'ai vu parce qu'il était dans la boutique. Il y avait un mini moi de Austin Powers. Taille réelle, donc taille de l'acteur. Je savais pas que c'était taille réelle. C'est ça. Mais pareil, et ça coûtait en vrai 120 balles. Mais tu m'as envoyé une photo de ça en me disant je t'ai acheté ça. Et tu t'attendais à ça du coup? Non, c'est pas ça, c'est que je n'ai pas répondu. Parce que, parce que je me suis dit, mais si c'est vraiment ça, je m'en branle quoi. Austin Powers, je m'en branle quoi. Je sais. Et donc moi je savais pas si c'était sérieux ou pas. Donc je suis vraiment très rassuré que ce soit assez super. Quand même. C'est vrai que j'ai eu peur parce que tu m'as dit ah putain, j'ai trop envie de te dire ce que c'est ton cadeau et tout. Et après tu m'as envoyé ça. Donc je me suis dit oh merde, ça se trouve, c'est vraiment ça et tout. Et donc j'ai vraiment pas répondu quoi. J'avais fait les choses bien. Je suis vraiment parti avec une valise vide, avec trois slips, deux t-shirts. Mais en vrai, ce qui est terrible, c'est que quand t'as un enfant, c'est tout est allé à la petite quoi. Ah, oui, on oui. l'a mais pas tout, couvert d'or, oui quand même. Mais si un truc cool qu'on a fait, qui est pas un truc d'achat, c'est on a fait le musée Ghibli. Oh, on dit Ghibli en fait. Ah ouais. Bon, les otaku disent ça. Zendaya aussi, moi je rate tout. Oui, oui, moi, je rate tout. C'est très compliqué d'avoir des places normalement. Exactement, on a eu beaucoup de chance. Bah, comme le Mont Fuji, on a eu de la chance. On m'a expliqué qu'apparemment pour acheter ta place, il y a un jour précis dans le mois pour le mois d'après. C'est ça. Et si tu loupes, c'est terminé. Et c'est un tirage au sort. C'est pas juste les voilà. Et on a eu de la chance. Bon, calmos, vous faites partie de l'élite. C'est l'élite en fait. Ouais, c'est nous. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de gens qui veulent y aller, c'est ça ? Oui, et en vrai, c'est pas cher. C'est-à-dire que c'est vraiment le prix d'un musée normal. Je crois que c'est 2000 yens, donc ça fait 12 balles, je crois, un truc comme ça. Mmh. Ouais, je connais par cœur maintenant. Ouais. Et c'est effectivement un Serge d'Or. Et c'est assez exceptionnel parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entrées. Les photos sont interdites à l'intérieur. Oh, c'est bon. Ça, c'est génial. Non. Je vais te dire un truc parce que j'étais comme toi, genre, oui, oh, ça va. Mais c'est vrai que ça donne une petite magie à l'endroit. Ah oui, je vois des trucs. La magie Ghibli un peu. La magie Ghibli. Ouais. Non, mais de voir des trucs que du coup, tu dis. Pas tant de monde que ça l'ont vu et je trouve que ça donne une saveur. Ouais, ouais. Ça donne une saveur. Calme-moi. Il croit pas. T'as pris des photos mentales finalement et ça c'est beau. C'est un Snapchat. Des souvenirs. Dans la vie, c'est un Snapchat de comme ça. C'est fait. Ce qui est écrit à l'entrée. Ouais. La péloge des souvenirs dans la tête. Excusez-moi, comment vous appelez? Pardon? Comment vous appelez, monsieur? Monsieur, tout de suite. Bah, allez, vous êtes éditorialiste. Vous êtes éditorialiste, j'ai l'impression. BHL. Augustin Trapenard. Donc on va faire le jeu du Floodcast. Ouais. Un passager d'un avion Ryanair entre Palma de Mallorca et Malaga a trouvé une astuce pour ne pas payer de supplément bagage. Qu'a-t-il fait ? J'ai l'impression que je l'ai vu. Il a mangé ses effets personnels. Non. Il a tout porté, ses vêtements. Non, mais comme Joey dans Friends. Mais ça, j'ai vu des astuces sur TikTok où les gens bourrent une taie d'oreiller. Genre c'est un coussin. Ah oui. Pas con ça. Le coussin de cou là. Ouais. Pas con ça. Un bon coussin et il y a leurs vêtements, plein de trucs dedans. Pas mal. Alors c'est pas ça, c'est mais pas ça. Une peluche. Il a rempli une peluche de vêtements. Il a dit c'est mon doudou. Est-ce que ça implique une autre personne ? Non. Il a fait tout ça tout seul comme un grand. Est-ce que vous donnez tous d'excellentes astuces en tout cas. Est-ce qu'il a mis des vêtements avec énormément de poches et il a rempli ses poches ? Non, t'es un pêcheur. Ça le dit, on a eu un truc. On avait un gars qui avait acheté une veste de pêcheur et donc du coup il avait mis énormément de choses dans ses poches. Mais après c'est des petits trucs qu'il met dedans. Et c'est surtout c'est très chiant pas à la douane mais juste avant là. À la sécu là. Quand tu dois tout mettre en fait, dans t'enlèves juste ta veste et tu la poses. Je crois que des fois tu dois sortir les choses. Non si. Ah bah à l'aller à la France, Air France, il fallait que je sorte le Mac, la Switch, ça peut pas rester dans le sac à dos. Ils te le font sortir. Oui, mais là, c'est un vêtement. Tu le poses, arrête. Je pense que c'est bon. Est-ce que c'est quelque chose de moral ou pas du tout ? D'immoral ? Je ne saurais pas te dire. Je ne sais pas, genre avoir un siège, la moralité. Il est revenu ! Il est revenu ! Pascal Chanvrèche. Il faut définir le contour de ce qui est le bien et le mal, il me semble. Oh là là, Pascal Chanvrèche est en train de s'étouffer dans son goître. Non mais j'imaginais, je sais pas, genre qu'il fasse semblant qu'il est handicapé. Ah non non non, c'est pas un truc vénère comme ça. Non non non non non. Est-ce que il a rempli quelque chose de ses affaires ? Non. J'aime te dire plutôt l'inverse. Oh ! Il a juste pas pris de valise. Si si. Il a quand même pris. Ok. Mais c'est lié à la valise. Donc ça. À l'objet valise. Il a découpé la. Il l'a compacté. T'approches. Ah, tu t'approches. Putain, est-ce qu'il en a fait trucs. Un vêtement? Il a. Non, il a dit bah quoi, c'est mon. Il c'est a recyclé sa valise. Un gilet pare-balles. C'est le Samsonite. Non, il a recousu. Il a. Non, attends. Mais t'es pas si loin. Ah ouais. Je pense à un truc assez classique. Parce qu'en fait, les bagages, comment dire, pour l'avion, en cabine. C'est aussi la taille qui compte. Mm-hmm. Donc qu'est-ce qu'il a fait pour que ça. Moins de place. Il l'a coupé, il l'a compacté. Je vais vous le donner, vous n'êtes pas loin. Une valise, il y a quoi sur une valise ? Les roues, il a coupé. Il a enlevé les roulettes ? Il a explosé les roues devant la personne en disant bon, allez, c'est bon. Il a pété les roues. Okay. Et il est rentré et ça a pu rentrer et il s'est fait applaudir par tout l'avion. C'est vrai ? Oh waouh, c'est une scène, à mon avis. Il est revenu. Non, mais c'est incroyable ce qu'il a fait, mais c'est dingue ce que tu as fait. Il a cassé les roues. C'est donc ça les nouveaux rebelles. En 2024. Moi, c'est ce qui m'a fait rire dans cette anecdote, c'est que il s'est fait applaudir par tout l'avion. Bah. Et c'était pour lancer ce truc un peu de dans les transports en commun. Il y a une tension quand même. Il y a vraiment un truc. Il y a une tension. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il a dû avoir son petit moment de gloire. Il s'est fait applaudir. Et après, il est descendu de l'avion. Il avait plus de roulettes. Oui, c'est genre, tout. Ça valait pas le coup quand même. Ça pose quand même la question de qui sont les héros. Parce que si on applaudit un gars qui fait ça, je me questionne. Ça. Bah non, mais complètement. Non, mais voilà. Il n'y a plus de repères maintenant. Ça me fait penser à une vieille pub Mentos. C'était quoi ? Ah oui. Bah, où la meuf, elle pète un de ses talons. Et finalement, pour pas s'embêter, elle est tellement libre qu'elle casse le deuxième talon et les gens se retournent en mode waouh, meuf, c'est un peu le thème des trucs Mentos aussi. Ouais. Le gars qui se gare sur le passage piéton Et le mec il fait ah ouais, et il passe par sa voiture. Oh. Et il fait eh ouais mec. Pas mal. Je suis malin comme un singe, c'est, moi. Ouais. C'était le slogan d'ailleurs. Mentos, malin comme un singe. Malin comme un singe. Personne n'a compris. C'était vraiment une cata. Non mais c'est parce que c'était Ryanair également, et que Ryanair, le monsieur s'est défendu comme ça en disant tout est en supplément. Tu sais, c'est souvent, c'est ça, oui, les compagnies low cost. Oui, c'est le game, c'est le game du truc. Donc c'est juste un gros rat, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En tout cas, énervé. Ouais, un rat énervé. Un énorme rat. Une compagnie aérienne propose, on y est toujours, propose des vols un peu particuliers. En quoi consiste-t-il? Gamme de vols. Alors, est-ce que c'est la destination qui est particulière? Pas du tout. Est-ce que c'est un... Je peux même te dire, il n'y a que deux liaisons qui sont assurées. Ah, bah c'est que des vols de business class. Alors, tu t'approches. La compagnie. Non, ah, c'est, des, ça, c'est tout seul. Non. C'est Los Angeles-New York ou New York-Londres, voilà. Et effectivement, toi, tu parles de la compagnie qui était une... je crois que c'est même pas si ça existe encore. Qui est en gros une compagnie que business. Donc l'avion est business, quoi, en gros. Ouais. Moi, je l'avais fait pour une pub, je me souviens. J'avais fait la pub avec Gad Elmaleh. Et tu dis, oh, génial. Et en fait, ils ont très peu d'avions. Il y a eu un problème avec un avion. 3 jours d'attente pour le prochain avion. Ouais, donc vraiment une cata. Okay. Mais donc tu t'approches parce qu'effectivement, il y a un truc en rapport avec le luxe. Mais des sièges massants. C'est plus précis c'est que ça. C'est comme le MK2 Paradiso, c'est ça, non? Où ouais. Tu peux regarder des films en même temps. Alors, c'est pas, y a pas de projection de film. Okay. Y a pas de... Des concerts, genre, y a des à l'intérieur. Pas des concerts. Y a pas des pièces, y a des petits studios dans l'avion, quoi. Non. Y a des capsules pour avec dormir. La merde de nature. Y a des douches. Des douches. Dans tous les vols. Des douches. Pas de douches. Ah putain. Pas de douche. Ça, y en a. Y a des youtubeurs qui ont fait des... Bah ouais. Je sais plus. Attends, c'est... ils ont comparé ce vol à un vol à 1 euro, j'imagine. Souvent c'est ça. Ils prennent pas bon, juste des trucs. Conclusion, le vol cher est mieux. Ouais, merci. Vachement mieux. Merci, on s'y attendait pas. Ok. Alors attends, pas de douche, pas de lit, pas de cinéma. C'est un service à bord qui est particulier? Non. C'est pas ça qui est particulier. C'est vraiment une business assez classique. Non, parce qu'effectivement, il y a des services à bord particuliers, mais c'est pas ça que je vous demande, que je vous demande de trouver. C'est à qui ça s'adresse plutôt. Ah oui, ok. Aux femmes uniquement? Non, pas aux femmes uniquement. Aux milliardaires uniquement? Pas aux milliardaires uniquement, mais oh sûrement là. Un peu vu le prix. Okay. Clin d'œil. Que aux chiens, aux animaux. Oh c'est, alors pas que aux chiens, du coup. Parce c'est les gens avec des animaux. C'est ça. Ah, pas mal, parce que en vrai, mettre sinon ton chien c'est. En soute, c'est bah génial. Oui. À bord, c'est un service de luxe qui attend les animaux de compagnie. Une cabine préparée avec phéromones, musique, des phéromones. Phéromones. Non, c'est des. Ils font l'aumône, pardon. Auprès des chiens. Voilà. Des serviettes à la lavande et d'autres conforts, pardon, pour aider chaque chien à se sentir installé. Une fois à bord, les chiens se verront servir la boisson de leur choix. De plus, une variété de friandises, de collations et de surprises. Mais en revanche, moi j'ai adopté un chien récemment. Oui. Il s'appelle Gigi. Et qui chie. Il s'appelle... Et qui pisse partout chez moi. Il s'appelle Gigi. Gigi. Arrête. En folle de rage que je l'appelle Gigi, son chien. Voilà. Bon. C'est son nom. Et en fait, Gigi donc, vient de La Réunion. Et elle a été rapatriée, donc, mais elle a fait son voyage en soute. Et depuis, et elle est vraiment, je pense, traumatisée du voyage parce que dès que nous prenons la voiture et qu'on passe dans un tunnel, elle se met à trembler et à halter, elle stresse, elle a chaud. Enfin, vraiment, donc vraiment, j'aurais été capable de mettre un petit billet bah oui. Pour que Gigi respire des phéromones. Ça peut changer parce que Francky, elle est aussi venue de La Réunion en soute. Faut qu'elle et au début, elle aimait pas le train et maintenant, elle adore le train, le métro. Elle est, genre, quand je la promène et qu'on passe à côté d'une une bouche de métro, elle veut y aller. Oh, wow. Elle va vers les escaliers, je suis plus dire. Elle adore le métro, elle est folle quand elle prend le métro. Quoi. Elle a fait de l'EMDR peut-être, sans peut-être. Te le dire. Mais ah, mais oui, elle a une vie en dehors de moi. Quoi. Bon, c'est une belle phrase. Alors, non mais en fait, t'as envie de dire, c'est too much, déjà juste accepter les chiens, déjà, ce serait bien. Oui, on s'en fout qu'il y a des croquettes oui. Et tout. Quoi. Bah là, effectivement, parce que t'as carrément même sur la vidéo de présentation, il y a tout un tas de jeux pour divertir les chiens. Non, il y a même pas ça chez nous. Est-ce qu'ils ont alors... une canisette avec la merde qui. Ah oui. Absorbée. Ça, déjà plus intéressant ça. Ah ouais. Si c'est un vol de. Non, remarque, New York-Londres, c'est quoi, 6 heures, je sais pas. Ouais, je crois que c'est ça, 6 heures. Et ouais. Los Angeles-New York, pareil, c'est assez court, hein, c'est 4 heures, je crois. Bah, ils ont le temps de chier, les chiens quand même. C'est... Oui, oui. Et c'est parfois, quand c'est tout de même très onéreux, parce qu'il faut compter 6 000 $, oh 5 600 €. Attends, pour le Los Angeles, wow. New York, et wow. 8 000 $ pour le New York-Londres. Oh, ouais. Et le prix n'est que ça. Pour un seul propriétaire, ça, un supplément est demandé si c'est un couple. Je gagne ça tous les jours, moi. Oui, oui, non, mais toi, avec ta chronique. À la minute, avec ma chronique. Sur RTL. Mais cela dit, tu parlais des canisettes, pourquoi pas dans les avions. C'est Natou. Non, mais au Japon, c'est vachement bien. Tu as à l'aéroport une zone de jeu pour enfants. c'est quand même un truc très basique, très simple, mais qui est... Oui, enfin, tu dis, c'est tes enfants, ils te font chier. Oui. Mais non, mais vraiment, juste pour. Parce que c'est très. C'est la transition qui te fait rire. Les canisettes m'ont fait penser à la mère de jeu qu'on entend. Non, mais. À certains âges, c'est la même chose. Sans vouloir dire que. Je veux pas du tout dire que le Japon, c'est génial et la France, c'est nul. C'est génial. Je trouve que le président Macron fait un très beau travail depuis le début. Voilà. Cela dit, le 23 juin, tu vas chier dans la Seine. Oui, c'est vrai, c'est prévu. Ouais, bien sûr. Mais il y a des petits trucs comme ça à Tokyo où tu dis. Oui, c'est très simple à mettre en place. Oui, pourquoi nous le faisons pas ? Et effectivement, la petite aire de jeu pour les enfants. Il y a un truc que j'ai adoré au Japon, c'est les ATM, enfin les distributeurs de billets. Déjà, il y en a. Parce que t'adores l'argent. Déjà. Non, mais il y en a vraiment partout. Enfin, je trouve qu'à Paris et en France en général, c'est dur d'en trouver. Les banques. N'exagère pas. Il y en a pas dans tous les coins de rue. Il y a des banques partout, mais il y a zéro poubelle dans la rue, quoi. Et c'est dur à. Moi, je trouve que c'est à Tokyo qu'il y a aucune poubelle. Oui, à Tokyo. Ah oui, c'est ça. Ah, tu parles de Tokyo, oui, c'est ça. Mais tu parlais de quoi ? Non, non, je disais à Paris. Bon, ah oui. Il y a pas tant de distributeurs c'est que. C'est quoi cette conversation ? Oh, t'es une mauvaise humeur. Rien de rien. Suivi. Oui, oui, il y a aucune poubelle. Mais ça, c'est drôle. Ça m'a. Je me le suis dit aussi. J'ai parce que moi, j'aime bien avoir une petite canette dans la main quand je me balade. Mais alors, je me suis baladé avec une canette vide, une quantité de temps ridicule. Il y a très peu de poubelles. Mais comment ils font ? Parce que c'est quand même propre dans la rue. Ouais, bah donc ils gardent, ils ont des petites poubelles. J'imagine dans leur sac à dos ou des trucs comme ça. Pas si mal, cela dit. Bon, et non, où je voulais en venir ? Oui, et donc dans les ATM, les distributeurs, les touches sont toutes douces. C'est-à-dire que non, mais là t'es un vendeur du Japon. Allez, c'est rien, c'est Cyprien ou Flaubert, je comprends plus rien là. Attendez, stop. Non mais c'est complètement narmol à mes yeux. Écoutez, pourquoi ils font ça ? Pourquoi ? Non mais tu sais, les distributeurs en France, c'est tout plat. Tu sais, il y a un truc comme les. Jamais ça n'était un problème. Mais c'est un peu. Jamais je me suis dit, ah si seulement elles étaient douces. J'ai pas dit que c'était un problème. J'ai dit que ça rajoute un peu de. C'est comme les métros. Je comprends pas pourquoi le métro parisien, il y a des carrés. Moi je trouve ça, tu sais, à Londres pareil, t'as pas ça, c'est tout, c'est sur ouais, les côtés. Je suis d'accord, ça, les carrés, c'est de la chiasse. Quand il y a des gens debout, c'est plus simple. D'accord, que ça. Les... Ah, je vous ai rechopé. Ça, je suis d'accord. Ah, cool. Non, mais oui. Quand tu récupères les bagages, pareil, il y a une petite ligne au sol. C'est ça. Pour ne pas franchir. Et au métro, dans le métro, t'as des trucs au-dessus, comme le TGV, pour mettre tes valises et tes sacs et tout. Très bien, ça. C'est rien, c'est des petits trucs. Mais moi, je deviens ce dont je me moquais pendant des années, un gros bandeur du Japon, malheureusement, sur tous les aspects. Même, mais moi, j'y connaissais vraiment rien. La philosophie japonaise et tout, je suis genre, pas mal quand même. Hein, parce qu'il y a quand même des trucs, je suis vraiment une merde. Donc, oui. Mais les, pas au point de trouver les touches douces. Oh non, j'avais oublié aux gens avec le métro, là, c'est dommage. Non, mais. Est-ce que vous savez ce que sont les Rage Witch Rules ? Ah oui, je sais. Ray parle des délicieuses pastilles pour la gorge. C'est les femmes qui payent 6 000 euros pour aller crier dans la forêt. Alors, c'est résumé, mais c'est ça. C'est totalement juste ça. Ah, hein. Oh, tu le savais. Ce sont des stages où on hurle dans la forêt. Effectivement, c'est réservé aux femmes. Ce sont des retraites organisées. Très très cher. Ou alors, un audio que j'ai capturé. Tu me donnes 6 000 euros immédiatement. Ou alors en haut d'un volcan, des conneries comme ça. Voilà. Vraiment, elles payent très très cher pour faire ça. C'est genre une heure ou c'est 5-6 jours. Alors ça parle de retraite, donc j'imagine que c'est sur plus de temps. Je vais vous lire l'article. Des retraites organisées pour les femmes durant lesquelles celles-ci peuvent libérer leur rage. On peut observer des femmes au milieu de la forêt en train de frapper le sol à l'aide de bâtons et de crier. Cet exercice fait partie de l'une des activités proposées par la retraite à destination des femmes organisée par celle qui se fait appeler Mia Magic. Oh waouh. Oh les bonnes femmes, franchement. Oh, elles sont hystériques. Elles ont besoin de taper le sol. Y a pas. Y a la pas terre battue. À Paris, la y a terre pas assez battue. Bon, y a pas assez de banques à Paris, putain. Oh. Je pète les câbles. J'ai des carrés dans le métro. Les touches, elles sont trop dures. Beaucoup de personnes sont en colère, déprimées, tristes, effrayées, en proie au doute. Les femmes en particulier. Oui, bah nous aussi. Les femmes en particulier participent à mes retraites pour s'aider à guérir, a-t-elle expliqué sur Fox News. Parce qu'il faudrait compter plusieurs. Alors le truc, oui, c'est ça, c'est que c'est cher, quand même. Plusieurs milliers, 4000 euros, plusieurs milliers d'euros. Pour participer à ces retraites. Oh là que là. Je pourrais le faire là au bois de Clamart. Bah c'est ça, oui. C'est ça. Ou chez soi dans un coussin, quoi. Enfin. Mais ça, c'est un vrai truc qui existait, la scream thérapie, développée par Arthur Janov dans les années 70. La scream thérapie vise à libérer ses émotions par le cri. Outre la catharsis permise, cette pratique crée une réaction chimique similaire à celle que l'on obtient lorsqu'on fait de l'exercice, c'est-à-dire une décharge de dopamine. Mais bien sûr, mais c'est comme le rire. Oui. C'est juste le concept de payer très cher pour hurler qui me. C'est ça. Un truc que tu peux faire vraiment n'importe où. Venez, on crie dans notre coude. 3, 2, 1. Gratuit. Si je me sens moins bien. Moi personnellement. Moi je vais tomber par terre. J'ai la tête qui tourne. Alors à leur décharge, je vais confesser quelque chose. Oui, tu l'as fait. Bon. Je l'ai fait. Tu l'as malheureusement fait. J'ai pris l'argent d'une chronique sur RTL. Je suis cassé. Voilà. Mais j'ai un peu honte, mais j'ai déjà payé pour aller faire un jeûne alimentaire. Oui, oui, bah non, ça c'est. Attends, ça soit en cas. Ah ouais ça, pour bah, moi, ça c'est génial. Il y a plein de gens qui m'ont moi. Dit genre, mais en fait, tu payes pour ne oui, pas oui. manger. Tu, tu vas au resto et ils te servent rien non, et non, tu ne voilà. pas. Non, non, il faut que ça soit encadré, hein, je ne sais pas. Après, oui, mais tu t'es sans doute quand même fait arnaquer, je pense. Un petit. Oh, on va pas se mentir, d'ailleurs. Merci bien. C'était sûrement beaucoup trop cher pour ce que c'était. T'as rien bouffé, t'as fait une rando et puis t'as payé 3000 balles. Non, mais l'enfer, c'est que j'étais avec des gens qui passaient leur temps à dire. Vous avez pas trop hâte de manger une crème brûlée? Et donc, en fait, ça parlait de bouffe pendant 4 jours. Oui, bah ouais. Alors que moi, je voyais ça d'un point de vue un peu plus philosophique. Oui, un peu jeune mental. Spirituel, quoi. Voilà. Ah, ouais. Et en fait, non, c'était horrible. Donc j'ai parlé à personne et je refusais de faire les randonnées alors que c'était un truc jeune et randonnée. Parce oui, qu'en fait, j'étais là, genre, j'ai pas envie de parler à ces gens en oui, avec oui, qui j'ai aucun. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Non, je comprends. J'aurais mais... pu le faire toute seule dans une cabane. Oui, mais, ou chez mais, toi. Mais en même temps, le jeûne, après, je connais pas toi ton rapport à la nourriture, mais moi, je sais que ça pourrait m'intéresser parce que j'ai vraiment une addiction. J'ai besoin d'être encadré, je pense que je craquerais. Je n'arriverais pas à faire un jeûne vraiment. Moi j'adore les petits jeûnes. Oh parce que je suis youtubeuse. Oh la cougar L'émission après, prend un tournant très inattendu. Je l'ai eu après. C'est que t'es dit youtubeuse, je l'ai pas eu tout de suite. T'as dit youtubeur, je l'aurais eu tout de suite. Ouais. Ah ouais, c'est plus rare. Bizarrement. Mais oui, les jeûnes, moi j'avais fait les jeûnes de. Tu sais, Romain Sonlator, il faisait ah oui, ça. Tu sais, genre, micro, il mangeait que des pommes pendant intermittent, 3 jours. Intermittent. Non, non, c'est genre, ah oui. Ah oui. Mange que des pommes pendant 3 jours. Et ouais. tu chies en spray pendant ouais. une semaine. Je l'ai fait une fois. Non, mais surtout, ce qui m'a choqué, c'est les maux de tête. C'est-à-dire que ça oui. fait très mal à la tête parce de pas faut, manger. Il faut, oui. faut se purger. Et c'est là où je confesse un deuxième, deuxième truc. Avant oh, ce putain vas... de jeûne. Oui, je vais le raconter. Tu j'ai fait un lavement là, à la poire. Attention. Attends, ouais. J'ai fait une irrigation du côlon. Et vraiment, ce jour où vous vous retrouvez avec un tuyau dans le fion et quelqu'un qui fait ça va. Ah, t'es encadré ça aussi. Vous vous dites qu'il y a quelque chose dans votre vie qui a, il y a un pro, il y a un problème dans la trajectoire de ma vie. Si, si encadré parce qu'il y a une grosse machine où tu vois une grosse machine passer dans un tube transparent devant tes yeux. Et c'est Jamy de Fred et Jamy. Et apparemment il y a des praticiens qui disent, moi j'ai pas eu ça, mais qui disent genre dis au revoir et tu fais au revoir en regardant ta mère passer dans des tuyaux et tout. Mais ça c'est ce qui fait ma fille. La matière fécale qui se décroche de tes parois intestinales, non pas intestinales mais si si si le gros intestin, les trucs qui restent depuis des années quoi. C'est des cailloux hein, presque. Oui, c'est fois. Ça, bah oui, bien ouais. sûr. Le truc où tu dis les maux de tête et tout, c'est pour ça que moi, les gens qui disent oh là là, mais ok, après tu te sens tellement bien. Oui, parce que pendant c'est horrible en fait. C'est comme tous les trucs horribles, quand c'est fini, tu te sens trop bien quoi. Ouais, mais genre, c'est... Ouais, putain, j'ai eu mal à la tête pendant une semaine et quand ça s'arrête, c'est génial. Et quand tu peux remanger, oui, bah oui, oui. Non, mais c'est vrai que je me plante des couteaux dans le torse pendant une semaine et quand j'arrête, c'est... je me sens trop bien. Bah oui, tu n'as plus mal. Mais comment vous gérez, vous, votre stress? Très votre mal. Colère, votre extrêmement chose. Mal. Non mais est-ce que vous trouvez des solutions? J'ai l'impression que vous, il y a le sport. Le, ça, sport. Le sport, c'est nouveau ça. Le sport, c'est le sport meilleur avec Fabien truc. Fabien Niel. Bah oui. Sur Instagram, allez le voir, Fabien Niel coach. Le frère de Jérôme Niel. Vous y allez. La dynastie. Et bien sûr. En et qui sont beaucoup plus musclés. Et les deux enfants de Xavier Niel. On peut le dire, je pense. Jérôme, ça l'embête pas. Oh, tu l'as outé là. Tu l'as outé. Il est très riche, Jérôme. Il est richissime. Ouais, vous en faites souvent. Le sport, c'est le meilleur truc. Bah moi, c'est nouveau le sport parce que j'en avais vraiment, vraiment rien à foutre pendant à peu près 38 ans de ma vie, je pense. Quand tu dis rien à foutre, mais... c'est genre t'avais essayé, ça marchait pas ou juste tu voulais même pas tenter. Je comprends pas, je comprends ouais. pas. Je comprends pas là, le principe. Et en fait, là, je me suis dit, ah, justement, j'ai beaucoup de colère parfois. Est-ce que ça peut pas être l'occasion que j'y foute un peu de colère dedans? Et du coup, bah, j'ai l'impression que c'est là où je jette un peu de ma colère. Donc et c'est de ça. Ma rage. Mmh, ouais. C'est ça. Du bien. Et toi, moi, pareil, c'était Nathalie. Ma bonne résolution de début d'année et je la tiens. Bravo. C'est franchement, c'est la première fois que je tiens une bonne résolution et je suis très contente. Ça fait vraiment du bien. Après, ouais. moi, j'ai pas d'excès de colère ou de rage. Non mais même je vois de stress. Moi je me sens bien après le sport quoi. C'est ah non genre, le stress juste je me mets au sol en position PLS et je ouais. pleure un peu. C'est ce qui est arrivé pendant Dalcy. Je pleure et je dis j'aimerais me blesser, j'aimerais me tordre la cheville pour pas faire le prime. Non. Et après je me dis je vais appeler des gens en fait. Oui. Je vais appeler des gens pour me tirer de cette situation qui est irrationnelle. Oui mais et ça me calme. Oui mais t'es entouré aussi. Forcément, c'est facile. Oui, c'est j'ai vraiment... des amis, ouais. Mais ça, ça m'a mais fait... Mais peut-être avec ChatGPT. Bien sûr, bien sûr. Tu peux lui demander un... Mais je me suis dit... Ah, c'est assez nul, ChatGPT, pour ça, malheureusement. Ah, pour te consoler, j'ai... ça marche pas. Malheureusement, évidemment, ça testé a été tenté, ouais. de me confier à ChatGPT et ses conseils sont vraiment nuls à chier, quoi. Bah, il te dit de faire un rage rituel, donc vraiment, ça n'a non, aucun non, mais intérêt. C'est vraiment des conseils nuls... Elle respire y un peu. Il n'y a pas des lignes genre SOS Amitié mais avec un nom plus cool. Ah oui, c'est le mot SOS. Oui, oui. oui. Non si, ouais, je sais pas. Il n'y a non. pas genre. Un petit un pote un peu sympa. Blabla pote. Blabla pote. Voilà, bah viens, on peut lancer blabla pote. Ça s'appelle un psy. Et quand même, t'en ressors une expérience mais j'ai adoré. Très positive. Mais bien sûr, parce que justement, ça te pousse dans des retranchements de stress absolu. Et finalement, il y a une libération et tu te dis, bah, ça, j'en ai chié. Et j'en ai vraiment chié. Et du coup, tu savoures le moment où ça se fait et ça se passe bien. Ouais. Et c'est une célébration. D'avoir dépassé ce truc-là, ouais, te fait du bien. Okay. Je trouve... Et ça m'a débloqué des trucs de fou en vrai. Ouais. Parce que là, je me suis lancée sur Twitch, mais j'avais envie depuis des mois et j'osais pas en me disant je suis nulle, je vais pas assurer, je vais être ridicule, regarde-toi, ma pauvre vieille, t'es moche et tu fais marrer personne. Elle parle vraiment comme ça. Ouais, ouais. Oui, et du coup, et là, j'ai fait Dalsy, je me suis dit bon, c'est bon, j'ai dansé en slip devant 300 000 personnes, je suis capable de tout en fait. Ouais, et ouais. J'ai lancé la chaîne et ça se passe bien, je m'amuse comme une enfant, vraiment, c'est l'euphorie. Je suis trop totale. Content que tu fasses du Twitch, ouais. C'est vrai, Adrien peut le dire, peut-être qu'il a oublié, je sais pas, mais moi je trouvais. Déjà à chaque fois que tu viens ici, mais tu es la meilleure invitée d'internet. C'est-à-dire qu'à chaque fois, mais je trouve, quand tu vas chez McFly et Carlito, il l'a jamais dit. Hein. Il dit que j'ai oublié, il l'a jamais dit. Je plaisante, je plaisante. Quand tu vas chez McFly et Carlito, quand tu viens ici, quand tu vas chez, souvent, moi j'adore. Oui, oui, non, et je suis d'accord, je suis d'accord. Et je disais à Clara, il faut que tu lances ton podcast, il faut que tu lances ton podcast, et du coup tu le fais sur Twitch, je trouve ça trop bien. Ouais. C'est génial. J'ai pas pu voir encore Soirée Mousse, c'est ça, parce que là on enregistre, c'était hier soir. Et oui. Mais j'ai trop hâte de voir, et je suis sûr que c'est super. Bah merci, je suis trop content que tu fasses ça. Ça me touche beaucoup. Non, vraiment, merci Michou finalement. Merci Michou a transformé ma vie. Mais, Michou la bonne généreux. Fée. Elle est tellement de français au final. Est-ce que quand vous étiez ado, vous étiez en colère? Est-ce que vous étiez des ados un peu énervés, pas forcément contre vos parents, mais contre la société, contre l'école? Ah oui, contre les injustices. Ouais. Oui. Je répondais aux pions et aux professeurs et tout. Enfin, wow. Après, j'étais vraiment dans ce truc de justice où, par exemple, un élève disait à son professeur « J'ai pas pu faire mon devoir parce que ma sœur est à l'hôpital et elle est gravement malade. » Et moi, j'y croyais. Je disais « Mais attendez, vous pouvez pas le punir. Sa sœur est entre la vie et la mort. » Et je me levais comme ça en classe. Ah ouais. Mais oui. Et du coup, je me faisais coller pendant des heures et des heures, alors que vraiment, la naïveté. Ah ouais, c'est ça. Le mauvais super-héros. En fait. Ouais. Le mauvais super-héros. L'héros con. Toi, Vanessa? Ouais, alors le truc de la colère, c'est que moi je la ressentais, mais je me disais qu'il fallait que je sois très souriante tout le temps et j'essayais de faire des blagues. Des injonctions, ça? Oh, je trouve. Je sais pas si c'est plus. C'est le patriarcat, je pense. Je suis victime du patriarcat. Est-ce qu'on peut tous reconnaître autant de sa table que je suis une victime du patriarcat? Oui, ça oui, me ferait oui. une grosse guérison. Ah bah ça oui, bien oui, sûr, oui. bien sûr. Je serais de victime refaire même de manière générale. J'ai pas envie de me remettre un tuyau ouais, dans le cul. Ouais, mets-toi un tuyau dans le cul. Je veux bien la peine, mais tu te remets là maintenant un tuyau dans le cul. Qu'est-ce que tu veux? Dites-moi dans le cul. Qui trouve cette scène hilarante et qui a envie de la vivre, et à la fois c'est terrifiant. Mais oui, oui, j'aurais aimé moi qu'on m'apprenne à gérer justement la colère et à pas la ressentir en souriant, parce que moi j'étais vraiment ça, genre je souriais et j'étais là genre je me sens très mal, j'ai envie de lui casser la gueule, mais je gardais la face. Ouais. Et voilà. Non mais ça oui, c'est très mauvaise gestion de la colère de mon côté, ouais. Ça fait beaucoup de torticolis du coup après. Oui, c'est ça. Ah, oui. Mais c'est vrai que tu as une période où tu en avais tout le ah, temps. Tout le temps. Moi c'est mon truc chronique, c'est ça. Mmh. Donc, moi je me rends compte, enfin je me rends compte depuis quelques années, je suis comme ça tout le temps. Tu sais, j'ai des trucs comme ça, ah, des oui. tocs bizarres. Ouais. C'est horrible, il y avait les photos de tournage des Leroy et je fais aucune n'est utilisable. Un gobelin. Ah mais je vois de quelle tête tu parles. Et tu te frottes les mains comme ça et j'ai caché mon or. Enfin, sommet d'une colline. Il faut décrire la grimace. C'est que t'es au pied d'un arc-en-ciel, Florent. Qu'est-ce que c'est? Ouais, t'es entre le sourire, ouais, j'ai un les, sourire yeux et les yeux plissés, comme si j'avais sucé un citron, un peu comme ça. Les bébés qui découvrent pour la première fois le un gobelin. Citron, voilà, t'as la c'est réaction ça. De l'acidité. Ouais. Imaginez exactement. Un méchant qui prépare un mauvais coup, quoi. Gargamel. Et d'ailleurs, ça, je peux vous montrer ça, les filles, les girls, je vous appelle. Les queens. Les queens, s'il te plaît. Il y a une youtubeuse que je connais qui s'appelle Dooms, qui a fait une vidéo. Où elle se déguise en homme. Bon, c'est. Ça, mais c'est toi! C'est un plagiat de moi! Tu me l'as montré tout à l'heure, j'avais même pas capté que c'était toi. C'est un plagiat de moi! La photo est hilarante. Et en plus, elle se met une chemise à carreaux et une casquette d'un groupe de métal. Et je suis vraiment genre, oui, bon, bah, c'est top! Vrai, ouais, non, je te jure! Je me déguise en grosse merde d'homme là! Un gros beauf, regardez! Et c'est un peu. T'as regardé la vidéo ou pas? Pas tout, parce que c'est pas forcément mon style, mais c'est. Et en plus, le titre est j'essaie d'être un mec pendant une journée, entre parenthèses je drague mal, je fais ah donc même ça c'est inspiré de moi, c'est-à-dire vraiment, c'est un plagiat de A à Z. L'université McGill au Canada a établi un questionnaire très précis. Ali pour... McGill, la série bien vu mec. Que je suis en train de revoir. Ah ouais, bon, tout ce et c'est bien. J'en suis au 6e épisode et je trouve ça super. Ah ouais, ouais. Bah c'est une girl boss en même temps, visuelles. Mais en même temps fragile. Non mais tu sais toutes les idées cheloues visuelles, le, ouais, le dancing baby comme et tout, ça, ouais. C'était super. C'est super. Et à l'université McGill, on apprend à faire des chatouilles. McGilly-gilly. Oh, oh, elle arrive sur Twitch. Lourd. Et ça, avant Danser avec les Stars, elle l'aurait jamais fait. Jamais. Non, mais là, j'ose des trucs de dingue. Ça m'a libéré, quoi, de mon carcan de blagues. Donc, un questionnaire très précis pour définir le top 10 des pires douleurs possibles. Oh! Alors, je vais pas vous dire les 10 parce qu'il y a des trucs. Mince. Il y a des trucs très précis que vous pouvez pas deviner. Une aiguille sous l'ongle. Les cailloux. Faut qu'on trouve les 10. Je suis désolé. Oh merde. Au moins 3. Bah, je vous en demande 5. À la dérive. L'accouchement. Un accouchement. Alors. Oui, l'accouchement, mais. Oui, mais du coup, il y a la. L'endométriose, j'allais dire. On ne peut pas témoigner de ça. Non, mais c'est quand même effectivement. C'est sur parole. L'accouchement est arrivé 3ème quand même des pires douleurs. Ouais. L'endométriose. Il y a pas l'endométriose. Ok. Je vois le genre. C'est pas ça qui a fait. Vous l'avez vu sur CNews. Qui a été sondé. Hein. Okay. Non mais par exemple le top 1 je vous le donne parce que moi je le connaissais pas. Non mais il est très dur à trouver. L'irrigation du côlon. C'est le syndrome douloureux régional complexe. Bien sûr. Ah ouais, bien ah ouais sûr. Syndrome douloureux. Non, bien sûr. Provoqué par le dysfonctionnement d'un nerf suite à une blessure ou une opération chirurgicale, les symptômes font froid dans le dos. Le patient ressent des douleurs permanentes de brûlure ou de gêne, parfois pendant plusieurs mois. Le syndrome peut également causer une hypersensibilité ou des œdèmes. Et le pire c'est qu'il n'existe aucun traitement pour les 50 000 Français touchés. Voilà. Ah, donc ça, vous pouvez pas deviner. Mais dans le top 10, il y en a 5. Attends, les migraines. Les migraines. Et ben les migraines. Ça, j'étais assez surpris. Qui est 9e. Mon amie Cathy en a, elle me dit c'est comme si on me plantait un poignard dans le crâne. Ah ouais, elle s'est déjà fait planter un poignard dans le crâne. Oh non, mais voilà, non mais voilà. Non mais en vrai, je l'ai déjà vue en crise, elle est en boule, elle a besoin d'être dans le noir et elle crie. Enfin, c'est terrorisant ça fait très mal. Et en plus, il y a une manip possédée par le diable. Le jour où c'est arrivé, on était dans ma maison de campagne et elle me dit il y a une manipulation très simple à faire, tu prends mon cou et tu le craques. Je fais non, je peux pas. Je peux pas faire ça. Non, et du coup, il y a quelqu'un qui l'a fait, qui s'est senti apte en suivant les indications. Elle est dead. Voilà, elle est la responsabilité elle est malheureusement est horrible enterrée. Et heureusement, ça l'a soulagée, mais je me voyais pas du tout maladroite comme je suis. Oh non. Lui faire cette manip en tout cas. Mais c'était avant Danse avec les Stars. Maintenant, tu l'as dénuqué les yeux. Tu fais un coup du lapin, c'est pas de ma faute, c'est comme ça. C'est la vie. Une épaule luxée, je la remets, y a pas de problème. Je mets un peu de flamenco et je fais aller là. Voilà. Mais oui, c'est l'une des douleurs les plus courantes et elle se caractérise selon plusieurs degrés d'intensité. Pour certains, la crise de migraine peut être très douloureuse, jusqu'à provoquer une sensibilité à la lumière. Moi, j'avais déjà eu ça, effectivement. Ah oui, très grosse. Les migraines ophtalmiques, là. J'avais ça aux yeux et ça, c'était assez horrible. On a trouvé deux, vas-y, on entend. Rage de dents. Rage de dents n'en fait pas partie. C'est une blague. Marcher sur un Lego pieds nus. Oh là, trop chiant. C'est la pire douleur pour moi. C'est la numéro 1 pour moi. Et le truc, là, l'os du coude, là, quand on se le tape. Ah oui, comment ça s'appelle déjà? Adrien. Et on continue comme ça. Se retourner long. Retourner l'ongle. Non. Non, mais un truc avec les ongles. Se faire arracher un ongle. Se retourner un doigt. Alors, c'est s'amputer un doigt. Ah, bah, d'accord. Ouais. Mais d'accord. Non, mais c'est-à-dire que certains penseraient à d'autres parties du corps, mais comme le bras ou une jambe, mais c'est l'amputation du doigt qui provoque la plus forte souffrance. Quoi? En effet, il s'agit de la partie la plus innervée du corps humain. Innervée, donc avec le plus de. Pas la langue? Visiblement non. Ou l'anus. Au niveau de l'anus, il y a beaucoup de connexions. Mais va t'amputer l'anus aussi. C'est pour ça qu'on met des suppositoires. Ah ouais? Oui, wow. Parce qu'il y a plein de. Ça va, Michel Simès. Il y a plein de connexions nerveuses et tout, et du coup, il paraît que ça va dans le corps. Ah, c'est le truc que j'aurais utilisé. C'est très poreux. Ouais. Moi, je connais une pote qui s'est déjà mis une gousse d'ail dans le cul. Ah ouais, c'est qui ça? Petite parenthèse, Florence, si je peux me permettre. Mais c'était pour tuer un. Ah, c'est sinon, c'est un truc pareil. Mais qui a fait ça? C'est pour tuer un vampire, non? Attends, c'est toi, vas-y. Attendez, ce serait ridicule de mettre une gousse d'ail dans son cul. Mais pourquoi elle ferait ça? Attends, mais est-ce que. Non, mais attendez, on imagine. Attends, mais c'était avant qu'elle fasse de la chimie. Là, il y a des vertus thérapeutiques. Mais arrête. Et ça soignerait de divers. Mais les gens sont dingues. En même temps, ça lui a permis de faire d'Alci, quoi. Donc. Pardon? Non, mais on sait pas qui c'est. Pas du tout moi. Non, pardon. Mais parce qu'il pensait que c'était Gaëlle Garcia Diaz. Elle aurait dû. Toi, tu devrais prendre des vacances comme Flo parce que franchement, pas les moyens. Ça va pas du tout, ça va trop loin. Je n'ai ni les moyens ni quelqu'un pour m'accompagner. Gousse d'ail dans les fesses, moi. Oh là là, ça ridicule. Pour des vertus thérapeutiques, paraît-il. J'en sais rien, apparemment. C'est ce qu'elle a dit. Dans un stage de rage. Mon ami a cru voir des articles qui disaient que c'était bon pour la circulation sanguine. Après, une gousse d'ail dans le cul peut être un. On peut se permettre peut-être un titre un peu à l'ancienne pour une fois là. On a été sage pendant les derniers trucs là. Peut-être que c'est. Elle a cru que c'était beaucoup mieux qu'un médicament. Peut-être, mais après. Le lobby des pharmacies, là. Alors là. écoutez, il y en a écoute, encore. T'aurais dû l'appeler Gousse ton bar et pas mon café. Quoi ton café. Ah oui. T'aurais dû l'appeler Gousse. Et pas soirée Gousse. Soirée Gousse. C'est ça le titre. C'est ça le titre. C'est soirée Gousse. Soirée Gousse. Oui. Mais voilà. Je vois pas pourquoi tu. Non, bien sûr que non. Mais c'est toi qui as raconté. Drôle si c'était moi. Si c'était toi, ça aurait été trop marrant, mais c'est pas le cas du tout. On imagine bien. Je sais pas si vous avez trouvé les autres. Quand même. Attends. Mais les pires attends, douleurs. Perdre quelqu'un qu'on aime. Brûler une verrue. Un truc avec les yeux forcés. C'est une douleur physique, on est d'accord. Quand j'étais petit, j'avais eu une verrue au pied. Bien sûr. Et on m'avait dit, on va te la brûler. Ça fait rien du tout. Et en fait, c'est rien, mais sauf que j'avais 6 ans. J'avais 6 ans, donc je pensais que c'était genre vraiment, on allait me brûler le pied. Enfin, je voyais un chalumeau. Oui, bon, t'étais con aussi, il faut dire. J'ai grandi à la campagne. Mais alors, attention, il me semble que les verrues aussi, c'est très psychosomatique. Oui, voilà, comme tu dis. Mon ami Adrien. Je crois que pas du tout. Et écoute-moi bien. Et un jour, pour s'en débarrasser, ce qu'il faut faire, une bonne gousse d'ail dans le cul. Ouais. Non, mais attention, on est dans ce registre. Un jour, ma mère, j'avais une grosse verrue sur le poignet quand j'étais petite. T'as mis du scotch ? Attends, laisse-moi parler, c'est du manspreading là que tu fais, t'as pas honte ? Mansplaining. Sale type. Si dans les douleurs, il y a le patriarcat dans la liste des vices. Il s'appelle mal. Il est en train de lui mansplainer le mansplaining. Ah oui. C'est dans les 10 douleurs. Une mise en abîme, franchement. Merde. Je crie dans la forêt. Mais raconte ta connerie là. Alors, quand j'étais petite, ma mère a coupé un oignon en deux. Bien sûr. Un soir de pleine lune. Elle l'a mis dans ta chaussette. Elle a frotté ta gueule. Et elle a frotté la moitié d'oignon sur ma verrue. Et elle m'a dit, tu vas voir, demain ça sera parti. Et effectivement, dans les jours qui suivent, ça a disparu. Oh. Et d'accord. Je pense que c'est parce que c'est un peu. Non, mais vraiment. Non, mais dites-le dans le chat. Non, c'est pas là. Je pense qu'on peut pas faire la promotion d'un oignon. Guéris les verrues. Allez chez le médecin, si je peux me permettre. Allez, merde. Mais après, toutes les guérisons peuvent être. Non, mais pour le coup, la guérison, on sait que genre, c'est l'effet placebo en fait. Mais la verrue, en fait. Mais l'apparition de la verrue, c'est. Généralement, psychosomatique, ça veut dire que c'est l'apparition qui est. Bon, la guérison. Oui. Mais ça, du coup, c'est tous les trucs. Oui. Parce que l'effet. Enfin, bon, bref. Après, il y a des choses qui de soignent avec des gousses. Oui, c'est ça. Ça, moi, j'y crois. Ça, moi, j'y crois. Bah, pas n'importe où, mais. Un truc avec les yeux, non. Un truc. Non, ça, j'étais surpris. Parce que pour moi, c'est un peu le truc. Ouais. Bon, mais du coup, attends, l'amputation du doigt, c'est tellement précis, en fait. C'est bizarre. Bah oui, bah, y a qu'est-ce qu'ils en savent, en fait. C'était un sondage. Une fracture. Combien de gens sont fait amputer le doigt dans les sondés, là? C'est n'importe quoi. Ah, peut-être une fracture de la côte, parce qu'après, quand tu respires, c'est une douleur qui te suit tout écoutez, le temps. Non, j'ai l'impression qu'il y en a. Il y a le Garcia Diaz pourrait témoigner de ça. C'est vrai qu'elle a se briser la colonne vertébrale en plusieurs endroits, j'imagine. La ponction lombaire, j'ai déjà fait, c'est horrible. Ah ouais. Ah, c'est un des premiers podcasts où on avait parlé de ça, de la ponction lombaire. T'en as eu aussi? Ah, c'est avec Patrick Beau. C'est ça, oui, et ben moi j'en avais parlé avec Patrick, parce qu'avant de le faire, je sais que Patrick, j'avais su que Patrick l'avait fait, et je lui avais dit. Et sans gousse d'ail dans le cul, il l'a fait vraiment. Et moi sans tuyau, ce qui est rare. Si elle écoute le flot de casse, oui, non, on l'embrasse d'ailleurs. On l'embrasse. Ouais. Mais ouais, Patrick et tout, je lui avais dit, genre, je m'attends à vraiment vivre un enfer et tout. Et il m'avait dit, genre, franchement, tu verras, ça va, c'est pas si l'enfer. Il a fait le bon enfer. Et après, il m'a dit, je pouvais pas te dire, évidemment, que t'allais vivre un enfer. Aïe. Non, écoutez, en même temps, ça t'aurait peut-être aidé de t'attendre à un truc horrible et peut-être qu'en comparaison, ça aurait été. En vérité, je pense que j'aurais préféré savoir que c'était pas bien. Ouais. Voilà. C'est ce que disent parfois certaines personnes de l'accouchement. C'est-à-dire que quand on te dit à quel point c'est dur, horrible et machin, ça permet un peu de mieux le vivre. Voilà. Peut-être. Je prends des pincettes parce que j'en ai aucune idée. Tu n'es pas bien sûr, attention, autour de moi. Tu es un allié. Je suis un allié. De la technologie utérus. En fait, c'est impossible à deviner là ton truc. C'est des fractures. Non, levez la main. Les fractures. Non, mais dès lors qu'il y a amputation du doigt, c'est n'importe quoi ce truc. Écoute, il y a la maladie de Crohn. Ah, des maladies, d'accord. Mais alors, mais c'est la maladie de Crohn, il n'y a pas de. Bah ouais, inflammation et l'épaississement de la paroi cause des ulcères et même des perforation de l'œsophage jusqu'à l'anus. Mon Dieu. Voilà, le patient est la plupart du temps. C'est pas Pete Davidson qui a la maladie. Ah ouais. Pete Davidson, l'humoriste. Un truc avec la langue, non? Parce que ça fait. Non, j'étais surpris aussi. Et alors, il y a une piqûre de fourmi particulière qui s'appelle la fourmi balle de fusil. Ah, oui, apparemment. Mais il n'y a pas eu des youtubeurs qui. Et c'est ça. Justement, des youtubeurs font ça en ce moment pour tester une des pires douleurs trop au monde. Cool. Faites une pause, hein, sinon. Attendez. Et franchement, créez un nouvel arc. Si je peux, si je peux vous inviter. Je peux me permettre de profiter de cette tribune publique pour. Parce que vous parlez des fourmis qui piquent et qui font hyper mal. Ouais. J'ai le souvenir d'une scène d'un film quand j'étais gamine et je cherche quel est le film et je ne le trouve pas depuis des Demande mois. Demande à Feldup. Et c'est pour ça, mais c'est parfait. Oui. C'est un film où il y a une scène à un moment donné où il y a un gars qui se fait. C'est dans la jungle et il se fait bouffer par des souris, il se fait piquer et c'est des un rite initiatique des fourmis okay. Et c'est un rite initiatique. Je peux demander à ChatGPT hein, si putain, mais je ne trouve pas quel est ce film et c'est un film qui nous a traumatisé avec ma grande sœur. Mais et il je se ne fait sais pas manger que... ou il se fait juste piquer il dans est un rite. Il est dans une rivière contre un arbre dans mes souvenirs, il se fait bouffer par des fourmis mais ouais. C'est normal, c'est le rite. Okay. Et après ah, donc sort il meurt quand même. Ah non, il sort. Ça se trouve c'est le lagon bleu, j'en sais rien. Je demande à ChatGPT. Donc Animal Holocaust, t'as des trucs un peu comme ça mais je pense pas que c'est le truc qui t'aurait le plus marqué parce qu'il y a des trucs vraiment vénères. Salut chat. Cite-moi un film dans lequel un homme à l'occasion d'un rituel se fait dévorer par des fourmis. Putain, tellement mieux dit donc que moi. Donc pas un s'il te plaît, rien. Bien, en fait. Non mais t'as pas dit s'il te plaît. La scène que vous mentionnez se trouve dans le film Les Bronzés. Waouh, elles vont nous remplacer. Voilà, ah, merci. Attends. Elles vont prendre notre place, vous m'entendez? Attends. Non, c'est un film américain. À joie. Vous faites référence à Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Il a vu 4 films, hein, ChatGPT. Il a vraiment vu. Alors, bon, vous dites Indiana Jones. Cela dit, là, il est nul à chier. Mais. Fourmise. Je me suis rematé les 3 Seigneurs des Anneaux. Oui. Et je regardais du coup les deux tours. Et à un moment, je dessinais en même temps, donc j'avais pas trop suivi ce qui s'était passé. Enfin, j'avais pas tous les trucs. Il marchait. Et on arrive à la scène du gouffre de Helm, où je vois tous les gars, ils sont prêts au combat. Et je me dis, ah putain, c'est une scène importante. Et j'ai pas trop suivi tout ce qui a amené à cette scène. Du coup, j'ai pris en photo ma télé. J'ai envoyé à ChatGPT, je lui ai dit « Est-ce que tu reconnais cette scène ?» Il m'a dit « Bien sûr, c'est la scène du gouffre de Helm dans le film Les Deux Tours. Ouais. » Et je lui ai dit « Est-ce que tu peux m'expliquer les événements qui ont mené à ce truc ?» Et il m'a fait la liste des trucs. Et il t'a dit « Il y a Christian Clavier ça, qui est arrivé. » Ça, c'est quand même. Ouais. Faux. T'as pas vu le film, ça se trouve tout est faux. Il a dit que sur un malentendu, ça peut marcher. Il s'apprête à conclure. En fait, on se rend compte que ChatGPT n'a vu que Les Bronzés. Les Bronzés, oh, j'adorerais. Donc je sais pas si ça marchera avec un film moins connu que Le Seigneur des Anneaux, mais j'ai été quand même bluffé. En tout cas, les auditeurs, vous avez entendu peut-être. Est-ce que c'est un truc qui vous parle? N'hésitez pas à envoyer un message sur l'Instagram du Floodcast, on transmettra Vanessa. C'est un indien dans la ville. Merci, si c'est pas trop demandé. C'est Team Six, c'est dans un indien dans la ville. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous trigger direct? Les douleurs. Ah bah on peut pas faire les 10. Non mais dis-nous vite fait. Tu peux pas juste nous les dire, ouais. Allez, je vous l'ai dit tout. Ah oui. Donc le numéro 1, c'était ce que je vous ai dit, le syndrome douloureux du régional complexe. La piqûre de la fourmi, balle de fusil en 2, l'accouchement en 3, l'amputation du doigt en 4, la maladie de Crohn en 5, la polyarthrite rhumatoïde qui est une maladie dégénérative qui touche les articulations. Elle se caractérise par un enraidissement et un gonflement de plusieurs articulations, doigts, poignets, genoux. Maladie auto-immune, fibromyalgie. Exactement. Tu connais ça? Putain, ouais, c'est fou. Ouais, je connais. Douleur insidieuse diffusée sur plusieurs parties du corps, provoquant de la fatigue, des vertiges, une raideur des articulations, des nausées et même des problèmes de vue. La colique néphrétique. Donc ça, ouais. C'est le canal urinaire qui est, voilà, qui est bloqué par un calcul rénal et un calcul renard. Sacré pan. Ouais. C'est un livre que je lis à ma fille. Coquet coquin. Je le lis à ma fille en ce moment. C'est la bibliothèque rose. La migraine en 9 et donc la névralgie du trijumeau en 10. Qui est un petit film d'Audiard aussi. Elle serait due à la détérioration de la gaine protectrice du nerf trijumeau, un des plus volumineux de la boîte crânienne. Aïe, voilà. Aïe. Ça donne des décharges. Je touche du bois de pas avoir ça. Hein. Oh là là, t'as bien fait. Donc oui, c'est quoi vous les trucs qui vous trigger direct? Par exemple, t'as les bruits de couteaux sur les assiettes ou les craies sur les tableaux. Il y a des trucs alors, comme ça moi, qui vous. Là, il y a 3 jours, j'ai lancé Titane. Ah. Et ah. J'ai eu beaucoup de mal à regarder. Ça a fait du mal. Mais par rapport au visuel, tout quand elle se gratte. Titane de Julia Ducournau. Oui, hein, voilà. C'était douloureux pour moi. Ouais. J'ai pas trop apprécié du coup. Parce que c'est beaucoup le corps. C'est beaucoup le corps. Elle se gratte le ventre. Elle est enceinte. Elle arrache sa peau. Il y a du pétrole. Enfin, je sais pas ce qui sort de son n'importe ventre. N'importe quoi. Oui, elle met du scotch pour cacher qu'elle est enceinte. Elle se met une gousse d'ail dans le cul à un moment. Ouais, enfin, horrible. Et ça, ouais, j'ai eu du mal. Moi, Titane, bon, on va peut-être. Le body horror, j'ai beaucoup de mal. Ouais, c'est ça. Ça touche. Oui, je comprends. quand elle se pète le nez sur le lavabo, moi, ah, voilà, j'étais là, pas... Je... Ouais. Oh non, non, mais ça... c'était trop. Et à ouais. chaque fois, je disais, j'étais avec Vanessa, je vais aller chercher le dessert parce que je mangeais en même temps et je trouvais des prétextes pour m'enfuir dans la cuisine. C'est important de beaucoup manger devant des images aussi horribles. Ouais. Ça fait du bien. Mais moi, le problème que j'ai avec Titane, et désolé, je vais peut-être un petit peu spoiler Titane, c'est qu'elle est enceinte après avoir couché avec une voiture. Oui. Je caricature, mais en gros, ça dit des choses plus intéressantes que ça, mais c'est un peu ça sur le papier. Et du coup, pendant tout le film, j'imaginais à la fin accoucher d'une petite voiture. J'imaginais le docteur sortir vraiment une Hot Wheels. Oh. Et du coup, quand c'est le pas docteur ça... qui dit tenez la télécommande. J'ai fait un backflip. Regardez, les quatre roues sont motrices. Voilà. J'avais envisagé que ça puisse être un casque, moi. Alors, je sais pas ce que ça raconte sur moi dans le côté pratique, la sécurité avant tout. Mais sur le body horror, moi j'ai eu l'opportunité de voir le film de Coralie Farja à Cannes qui s'appelle Substance. Substitut, c'est un film avec... alimentaire. Non, Substitut, c'est un vrai film qui est très mauvais. C'est des 80 où c'est un ancien flic qui fait qui se bagarre, qui devient pion dans une école et qui se bagarre avec des élèves un peu pas mal méchant. Pour moi, un bon pitch. Pas la même chose. Substance. Non, pardon, Substance. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de piqûres et d'injections et de trucs comme ça. Moi, je sais que ça me fait rien du tout. Mmh. Mais t'avais des gens, ça les foutait dans un état vraiment pas possible. Mais là, du coup, la projection était cool à Cannes pour ça parce que il y a eu des surréactions pendant le truc, quoi. Mais bah, moi, ça me trigger pas ça. Moi, j'avais été juré à Gérardmer et j'étais allé au BIF aussi il y a quelques années. Mmh. Et c'est vrai que ce qui est assez marrant avec ces trucs là c'est que c'est là où tu vois les réactions très différentes des gens. Moi par exemple j'ai tendance à rire, mais c'est pas parce que ça me fait rire la violence, c'est rire nerveux des enterrements. Exactement, quoi. Tu vois, dans Titane moi j'ai eu 2-3 phases. Alors déjà parce que je pensais à une petite voiture qui sort de son utérus, mais j'avais des phases où vraiment ça me faisait rire. Ah ouais. Parce que c'est trop pour moi, quoi. Tu vois, moi c'est... j'adore les films d'horreur, mais là sauf que pendant la première partie du film, t'es vraiment confronté à de la violence et il n'y a pas trop de dialogue. Oui, oui. Et t'as pas de gens équilibrés qui peuvent donner un, et l'ambiance est lourde. Un angle parce rationnel. Que, parce que sans vouloir, bon, spoil l'intégralité du film, tant pis, mais t'as aussi ce truc de Vincent Lannon qui a perdu son fils. Donc elle, déjà, il y a Vincent Lannon. Ultra très tanké. Musclé. Ouais, très tanké. Ah ouais, à mon avis, il voit Fabien Niel coach. Non, mais c'est qu'il y a tout un truc. L'ambiance est déjà très dure, en fait. Il n'y a pas que le body horror. Moi, j'aime bien l'histoire, mais c'est juste que. Trop de violence. Au départ, Mais c'est marrant comme ça. Enfin, on n'est pas touché par les mêmes trucs parce que pour le coup, moi, le body horror, j'arrive à me dire c'est faux, c'est tellement grotesque. J'ai pas pensé à me dire ça. Ouais. Voilà, ça va. Tout est faux. Alors que, genre, par exemple, les films d'Ari Aster, je ne veux pas les voir. Moi, j'adore. Parce Midsommar, que je pense que je pourrais. Bref. Ouais, voilà. Et moi, je sais que Midsommar, et on en parle avec Clara aussi, je pense que si Clara et moi on le voit, potentiellement, on n'émerge pas la tête de l'eau et on s'en sortira pas, je pense. Non, parce que Ari Aster, le truc, c'est qu'en plus, t'as les nappes musicales, t'as les Mais tout. Mais moi, ça joue sur des trucs qui, pour moi, sont pour le coup trigger à fond et ça serait trop compliqué, je pense. Ouais, ouais. Non, mais je comprends complètement. De toi, Adrien, des trucs comme ça qui te. Genre, qui me genre dans, au cinéma. Bah quoi, là, on est parti sur le cinéma, c'était plus généralement, ça pouvait être des bruits, des trucs. Ah non, je sais pas. Moi je sais que les ongles retournés par exemple, c'est un truc qui me terrifie. Dans les films ou en général, en fait, ouais, mais quand j'étais petit, je vais t'expliquer, quand j'étais petit, il y avait du parquet dans ma chambre et quand je jouais aux petites voitures et tout, j'imaginais toujours mon ongle entre les lattes de parquet qui allait se retourner. Tu sais, j'avais toujours cette peur irrationnelle parce que je me suis jamais retourné l'ongle et voilà, je comprends. C'est des trucs qui me faisaient qui me mettaient mal. Non, moi je déteste les chuchotements dans les micros, mais c'est pas Oui, mais je comprends. Vous allez faire, c'est ça ? Non, mais la mode de l'ASMR a dû te régaler, quoi, elle est arrivée. Mais moi ça me il y a la violence monte en moi, c'est quoi. C'est épidermique, quoi. Vraiment, où les pubs où ils disent profitez de l'œuvre. Ça me rend fou, je déteste ça. Moi j'ai ça avec les bruits, pardon. Non, mais en fait, je pense que mon cerveau se dit normalement un chuchotement tu l'entends pas aussi distinctement et il y a un truc qui me rend fou, quoi. C'est drôle. C'est un chuchotement, c'est fait pour être distrait, tu vois. Même si on chuchote dans l'oreille, je pense que ça me rend en fait, fou le, aussi. Quoi. C'est le chuchotement amplifié, en fait. Ouais, c'est voilà. Ouais, voilà. Moi, ça me tend vraiment, vraiment, pour de vrai. Ça m'énerve. Toi, Danza, t'es ouais, j'allais dire, moi, c'est les bruits continus, sourds, vibrants, genre tondeuses, et tous ces trucs-là qui peuvent vraiment me faire vriller. Les sons répétitifs, saccadés, ça peut me faire péter un câble. Donc j'ai tout le temps mon casque anti-bruit que je mets souvent sans musique d'ailleurs. Quel plaisir. Et que je fais. En fait, j'ai tout le temps mon casque quasiment sans musique dans Paris. Ouais, je comprends. Je comprends. Pas supporter, pour pas avoir à supporter ça. Je comprends complètement. Alors, télévision, le 27 juin à Lille. C'est devenu une réelle poursuite. Hein, je donne un thème au début. Mm-hmm. Télévision, le 27 juin à Lille. Le camembert. va ouvrir un café inspiré d'une émission télévisée. À votre avis, laquelle ? Alors, attention. On va en parler aussi. Fort Boyard. Oui, bien sûr. Donc, c'est pas ça. Pas Interville, pas Fort Boyard, pas celui auquel tu penses, Adrien. Qui veut gagner des millions. La roue de la fortune. Ouais, non, un truc plus récent. Enfin, attends, c'est un jeu. C'est un jeu télé. C'est une sorte de jeu. Une famille en or. Mais pas un jeu qui est toujours actuel. Genre, pas genre une famille en or. N'oubliez pas les paroles. Pas n'oubliez pas les paroles, mais tu te rapproches. C'est Nagui. C'est pas Nagui. Ah, les 12 coups de midi. Non. Quelqu'un m'a cité dans les 12 coups de midi. D'ailleurs, mais... on l'a jamais dit, mais. Ah oui, c'est vrai. Ça a installé une sorte de respect. Oh, monsieur. Et le visage de Jean-Luc Reichmann. Qui se dit, j'espère que c'est pas un mec problématique parce que j'ai aucune idée de qui est ce gars et assez drôle. Il fait genre, ah, qui ah, ça ah, ah, ah, assez drôle. Qu'est-ce que ça pourrait être? Une émission culte. Un jeu. Ah bon, une émission culte. Qui passe encore aujourd'hui. Alors, pas les chiffres. Oh, les chiffres et les lettres s'arrêtent, vous avez vu ça, c'est fou. Ça m'a fait bizarre un peu. De connaître la fin de ça, c'était bizarre. Non, mais c'est bizarre parce que je me suis dit, bon, ouais, ça va. Les vieux, ils aiment tous ça. Mais est-ce que ça veut dire que du coup, il y a une nouvelle génération de vieux qui s'en bat les couilles? Je sais pas. Qui regarde les ans. Pour moi, c'était sûr que ça allait marcher indéfiniment. Mais on va devenir illettré. En fait. Ah bah c'est moi ça, j'ai déjà perdu. J'ai perdu déjà beaucoup de vocabulaire. Sur qui on pourra compter? Arrêtez là, arrêtez là. On sent qu'elle a vendu un best-seller à l'époque. Plani les mots. Elle arrive plus à baisser ses mains. Lotus, moi Lotus. J'aurais adoré le trésor de Pago Pago. Personne se souvient de cette émission en 1996. Ah, mais si, avec le train. C'était... Non. Ça, c'est tu confonds avec sur la pièce de Xiapatane. Oui. Ah oui, non. Ces émissions, elles sont j'adorerais les revoir en vrai. Mais il y avait l'émission de Vincent Perrault aussi, avec le serpent. Vous vous souvenez de ce truc? Mouchou Patachou. Mouchou Patachou. Un truc. Putain. Alors là, vous avez pas? Non, j'ai 80 ans. Non. On mettait des oignons sur mes verrues. Et on était devant le poste de télévision. J'étais seule et j'avais froid. Avec ma mère venue de Pologne. Mokchou Patamou. Nous n'avions que des gousses d'ail à manger. On savait plus où les mettre. Alors on les rangeait où on pouvait. Non, c'était Mokchou Patamou exactement. Putain, Mokchou incroyable. Patamou, ça me dit quelque chose. Mais ouais, c'était génial ce jeu. Et c'est un serpent qui parlait, c'est ça? Non, pas du tout. Enfin, tu devais monter. C'est comme une sorte de jeu de loi. Tu montais un serpent et des fois il y avait des pièges, des trucs. Non, c'était génial. Non, c'est une émission qui passe encore le samedi soir. Ruquier, ça. Mais non, c'est juste aller voir un concert. Attends, les gens se disent. Oui, mais il y a Nagui. C'est servi par Nagui. Les gens disent attendez, Taratata, c'est un concert avec Nagui en fait. Le décor penché. Alors, non, c'était pas VTEP. Ah, ben non, c'est pas samedi. Putain, parce que j'allais dire, touche pas à mon poste quoi. Non, ce serait un pas horrible. Pas Massinger, mais on est pas loin, on est sur ce genre d'événement. Dansez avec les stars. Presque. Chante avec les stars. Oui, alors chante avec les stars, c'est quoi? Ah, The Voice. Mais c'est The Voice. Il va y avoir un chaos. This is The Voice. On a raté. On a raté. Pour la première fois dans l'histoire du Floodcast. Ouais, donc fin de saison. Ouais, terminé. C'est un lieu unique qui reprend les codes visuels de l'émission avec une décoration immersive, explique Vincent Radix à la tête de TVC Live. Vincent Radix, ouais, qui est un perso de Mission Cléopâtre. Ouais. La société qui pilote ce projet ultra ambitieux, dont le budget s'élève à 3,5 millions d'euros. Oh là là, tout, pour hein. Un truc qui sera nul, malheureusement. Ce café. Désolé, hein. Désolé. Est un concept novateur qui fusionne loisirs musicaux et restauration avec un restaurant, des salles de karaoké où les chanteurs en air pourront repartir avec la vidéo de leur prestation. Ça s'appelle un karaoké, moi, ouais. Simplement. Ah, petite vidéo de la prestation. Peut-être le truc que j'ai moins envie de voir après une soirée karaoké, quand même. Des soirées à thème, blind test, fan club, et des concerts dans ce lieu ouvert 7 jours sur 7. Les clients du restaurant pourront manger une cuisine maison conviviale et accessible, promettons, et retrouver des références à l'émission jusque dans leur assiette. Quoi? Avec des plats à l'aveugle. Tu sais, dans The Voice, il y a des Big Flo et Olive. Oh. Des olives. Oh. Oui, oui. Big Flan et Olive. Menu. Il y a des. J'en cherche d'autres. Bah, ouais, des Florent Panini. On est encore là ou pas? Nous les Leroy au cinéma. Je ne sais même pas qui c'est qui a en jury, moi. Bah, y a Mika, Zazie, Jennifer. Qu'est-ce qu'elle est belle, Jennifer, pardon. Hein, ouais, je suis un beauf. J'ai vu dans Drag Race le premier épisode. Tu sais qu'elle attend l'amour de ses rêves. Mais toujours. Pour info. Mais sous le soleil, uniquement. S'il pleut, elle n'est pas là. Au donc, soleil, oui. S'il te plaît. Sous le soleil, c'est la série. Ah oui, pardon, c'est Obispo. S'il te plaît. Vous savez que c'est une reprise, Au soleil? Oui. Ah ouais. Oui. Et j'attends l'amour aussi. Au soleil. Ouais. Et bah, ah non, c'est peut-être J'attends l'amour, peut-être. Ouais. Mais en fait, il y en a plusieurs. Le premier album de Jennifer. Reprise, ouais. Et il y avait aussi Ma résolution. Et bah, c'est une chanson américaine à la base. Ma révolution. Oh, wow. Révolution, pardon. Porte ton nom. Tout est un petit peu. Ouais, je suis passé un peu à côté de la carrière de Jennifer. Je vais pas vous mentir. C'est Jenny Four ou quoi? Elle a un sosie un peu là. Lucas Pastal. Tout est un peu bancal. Encore à l'heure du Japon. Toi, t'adores les mêmes en fait. Hey, il ressemble, c'est drôle. Donc oui, le tour des hamburgers en forme de buzzer également, et le tout en écoutant de la musique live. Ils ont Ambuzzer. Oh non. Si si, ça c'est marche. Si si si, si ça marche. Je sais pas, c'est pas plus nul que le thème c'est ça, de leur c'est truc. Hein. C'est à la hauteur de ce thème à chier. Oh. Des micro smops. Et ça, je vous le dis, avant d'Alcy, jamais n'aurait tenté ça. Jamais. Merci Michou. Merci Michou. Et d'ailleurs, les castings de The Voice et The Voice Kids auront désormais lieu dans cet endroit. Oui, on, joint l'utile, on joint l'utile à l'agréable. C'est nul. Non, mais pas non, l'émission, mais les prêts. Oui, mais genre, ouais. Et donc, bah pour, ouais. Les clients, ça change rien quoi. Bah, ils voient des chanteurs quand même. J'espère mais ça aura pas lieu ouais. devant les gens. En tant qu'influenceuse. Mais alors, justement, je me disais parce que. Non, mais les castings n'auront pas lieu devant les gens. Ah, je sais pas. Non, peut-être pas, t'as raison. Donc, en gros, c'est juste. Vous savez que c'est là les castings. C'est génial que dans le resto, les sièges se retournent tous. Oui, mais bien sûr. J'adorerais. Justement, t'as fait Danse avec les stars. Est-ce qu'un truc de chant, tu pourrais le faire? Oh non. Bah, si tu peux chanter la pita. Ah, mais t'as raison. Là, je suis capable de. Non, tout. Mais moi, ça m'intéresse. La pizza. Tout le monde se retournerait sur son siège. Mais sors-le sur Spotify. Voilà. Ou alors sors un burger, vu que t'es sur YouTube. Ouais. Alors, j'ai un concept innovant là, à proposer. Ah, ouais. D'accord. D'ailleurs. Le Natu Burgs. Ah oui, le nom est super. Natu Burgs. C'est des petits burgers. Ouais, vegan du coup. Vegan. Voilà, putain. Il y en aurait pour chien aussi. Ah. Ça, c'est le truc en plus. Pas mal, cela dit. Ça m'intéresse, moi. Ouais. C'est marrant parce que c'est... quand je t'entendais parler de Danse avec les stars, moi, ça m'intéresserait. Je pourrais pas faire ce que tu as fait. Enfin, tu vois, parce que c'est pas un truc qui me. Je m'en fous un peu de me dépasser sur des choses-là. Ouais. En revanche, et le karaoké au Japon me l'a fait comprendre. Je suis un ignoble chanteur. Attends, et... 9 ans de Floodcast, ça t'a. Non, je le savais, oui, oui. Non, moi, quand j'ai écouté l'émission, je trouvais ça vachement bien. Mais... Tu sais, l'Olympia, tous les lives qu'on a fait, t'avais pas. Là, j'ai assuré de ouf, non? Enfin, je sais pas, je comprends pas. Non, mais voilà, je suis vraiment un horrible chanteur. Et mais en même temps, j'adore chanter. Donc, je me dis, en vrai, un truc comme ça, si du coup j'apprends un peu à chanter, juste à placer ma voix et tout, je pourrais grave kiffer. Et en même temps, je trouve que mal chanter, c'est le truc. C'est vraiment ridicule. Ouais, mais c'est un peu. C'est là, vraiment, tu te ridiculises, quoi. Oui. Oui, mais moi, c'est oui, ça. Oui, si c'est fait premier degré, tu peux être ridicule. C'est une cata, quoi. Oui, mais moi, mais c'est en même temps un peu ce que j'admire chez toi, c'est que à chaque fois, tu. C'est toujours toi qui veux qu'on fasse des chansons. Ah, j'adore. Et à chaque fois, bon, là, voilà, quoi on est pardon sur une interprétation. Pardon voilà. Non, mais justement, je disais, c'est trop bien, je trouve. Oui, de, oui. Ah non, bah, je de m'en pas fous faire que des trucs dans lesquels t'es trop fort, tu vois. Non, mais c'est vrai, mais pardon. Non, mais après, c'est le thème, de, c'est un peu l'ambiance du podcast. Oui, c'est un non, peu, non, mais et vraiment, j'adore ça. C'était un compliment que je fais. Hein. Je sais pas si c'est clair. Le justement silence autour. Non, mais la mise, il y a une mise en danger et tout, qui est, c'est trop bien. Je suis content que tu l'aies vu. Non, moi, j'avais trouvé ça trop touchant quand tu l'avais fait pendant le podcast sur scène. De chanter. De chanter. Ouais, une fois ah ouais. Là, Bah non, mais moi, j'adore chanter. Ça après, fait on chantait pas Imagine non plus. Tu vois, c'était vraiment Docteur Gigi et tout ça. C'est pas genre maintenant je voudrais dédicacer à tous les rêveurs. Tous les rêves. Télé toujours, on a appris le retour de deux émissions cultes de notre adolescence. Bien sûr, alors, ah, bon, le big deal. Le juste prix. Le big deal est déjà revenu. Je suis passé à côté de cette info. Le big deal revient. Le big deal revient. Alors on a été harcelé sur les réseaux et à raison, vraiment. J'ai reçu énormément de messages. Le big deal revient. Mais qui va présenter? Vincent Lagaffe. Vincent Lagaffe, bien sûr, et Bill. Le seul, l'unique. Attends. En jet. Tu vas passer l'extrait ou pas? Je l'ai pas. Ok. Alors je peux juste du coup le dire. Le mec qui fait la voix de Bill du Big Deal a été invité par téléphone dans l'heure des pros de parce non si c'était dans l'heure des pros pas, non c'était sur son émission sur Europe 1 et donc le mec bonjour Pascal mon ami Pascal bonjour oh là là quel enfer fait, oui bonjour Bill c'est Bill du Big Deal et Pascal Pro il fait bonjour je peux peut-être vas-y oh là là, surtout je me suis dit j'avais jamais fait j'avais jamais fait le lien. Le Bill du Big Deal, il est un peu, il parle un peu, il a pas la voix, mais il a l'élocution de Salvador Dali. Un peu. Oui, je m'en suis rendu compte en voyant. Je suis absolument un extraterrestre. C'est ce que je me suis dit en voyant l'extrait. J'ai fait, c'est Dali en fait. Mais ils vont rebooter un peu. Est-ce qu'il va changer de forme, Bill? Pour moi, c'est grâce à nous. Ouais, voilà. Moi, je me dis, dans mon petit fort intérieur, on y est un peu responsable. Dans mon petit fort boyard. Personne d'autre n'en parlait en vrai. Non, je pense qu'il y a. Il y a eu un truc autour du Bill, mais... Est-ce que je mets l'extrait? Bien sûr. Bill est le Bill du Big Deal. Bonjour, Gilles. Allô, il y a quelqu'un? Bon, allô? Oui, comment allez-vous? Alors, c'est Bill du Big Deal. Vous m'avez appelé. Bonjour, ça va bien. Moi, c'est la Gilles. C'est tout? quelque chose. Oui, oui, on n'a pas beaucoup plus. Après, ouais, ouais, bon, après, voilà. Non, mais il en garde pour l'émission. Non, mais je veux dire, je m'attendais à une voix dans mes souvenirs beaucoup plus folle, quoi. Ah oui, mais non, mais là, il est. Attends. Là, il est à 10%. Il est à 10%, c'était le matin. Il était stressé, t'as dit. Non, il était stressé. Il faisait sa pause à l'Apple Store, parce qu'on rappelle qu'il travaille à l'Apple Store de la Défense. C'est vrai, c'est vrai. Mais donc, Bill du Big Deal. Il paraît, ouais. À une époque, il travaillait à l'Apple Store de la Défense, le mec qui faisait la voix de Bill du Big Deal. Sur la chaîne RMC Story, ils reviennent. Donc, avec un budget de 5€ par émission, je pense. C'est ce que je dis à Vincent. Viens chez nous à la limite. Si c'est pour faire ça, nous on a le budget. Oh, je t'en supplie. Donc, invitez-le. Non. Mais ouais, le retour de Bill du Big Deal. Mais il y a une autre émission qui arrive, qui revient. Une émission de quand on était jeune. L'or à l'appel. Pas l'or à l'appel. Non, c'est pas Vincent qui revient dans tout. Un jeu. Alors, c'est pas vraiment un jeu. Il y a que la vérité qui compte. Ah, j'allais dire mystère. J'adorerais que mystère. Quoi, mystère. Génial, mystère, c'était sur les phénomènes paranormaux et tout. C'était super. Je connais... Tu moi, connaissais pas, putain. Non, moi, je me chiais dans le froc quand j'étais petit, quoi. C'est le truc. Alors que maintenant, quand je... C'était ça le truc du Roswell. Non, je crois que c'était pas Jacques Pradel. Jacques Pradel, c'était le truc. Il en avait fait plusieurs, mais pour moi, le truc de Roswell, c'était comme ça. C'était pas mystère. T'as peut-être raison, t'as peut-être raison. Il y avait le scandale, des fausses images. Non, parce que je crois qu'après, il y avait eu. Je m'enseignais. Oh, le truc avec le rideau, où tu décides ou non de découvrir qui il y a derrière. Ah, bah oui, il y a que la vérité qui compte. Mais ça, c'est déjà revenu, les amis. C'est sur je sais plus quelle chaîne. Attends, pourtant, il y avait eu des. Vraiment des sales histoires. Bah, c'est sur C8. Interville ? Interville, non. Et non, c'était Alexandre. C'est notre rêve, Vanessa, c'est moi. Ah ouais, surtout ton rêve, Vanessa, de refaire vivre Interville. Les droits sont chez Nagui. Donne-moi les droits. Alors moi, Nagui, si tu nous écoutes. Franchement, je te suis dans le projet. Interville, c'est vrai. Mais moi aussi. Ah, ça me fait trop plaisir. C'est mon rêve et je me suis renseigné premier degré pour prendre les droits. Mais c'est Nagui qui les a. C'est un carton de Nagui, il a pris. Apparemment, c'est lui, j'en sais rien. Nagui, je pars au renseignement. Non, mais attends. Moi, c'est mon rêve depuis des années. On peut se greffer au projet. On va appeler Morgane Cadignan. Eh oui, on a des accès à Nagui. Parce que bon, moi, sur mon CV, je suis trésorière du comité des fêtes de mon village. Bah oui. Donc quand il s'agit d'organiser des jeux interamos ou des bien Olympiades, évidemment. Nous, on lui dit, gars, nous, on te ramène des youtubeurs dans Interville. Mais oui, et le Robert Wurz, excusez-moi, le Robert Wurz d'aujourd'hui, c'est Interville pas Adrien Méniel. C'est qui Robert Wurz? C'était l'arbitre qui hurlait. J'ai envie que ce soit toi. Mais c'est bien bon, sûr. C'est bon pour moi. C'est lui qui faut était le faire en haut. En live sur Twitch. De toute façon, j'arrête le cinoche, moi, de toute façon. En haut des trucs avec les barres, celui qui dit, lève les pieds. Tu lèves les pieds parce qu'il cédait des pieds. Ah oui, c'est illégal. S'il faut un mec à cheval sur les règles. C'est ça. C'est les pieds. Oh mon avenir. Oh mon avenir. Oh mon dieu. Et ça me ravit en même temps. Hurler sur des youtubeurs qui trichent. Oh là là. Dégage. Ah non, mais écoutez-moi, c'est Catherine Barman. On va récupérer les droits. On va récupérer les droits et on va faire Interville. On va faire un brainstorm juste après l'enregistrement. Non, mais moi je suis à fond. On prend acte aujourd'hui. Ça, on fait Interville. Mystère, c'est Alexandre Balou. Interville, évidemment. Internet. Alexandre Balou qui présentait Interville. Pardon, Mystère. Mystère. Non, mais moi j'ai pas Alexandre connu Balou. Mystère. Donc, en fait, et parce que Pradel, il a vu que ça marchait, il a fait sa propre émission qui s'appelait je sais plus comment. Ouais, c'est ça. Où il avait dit Roswell quand même. Mais moi, la carte au trésor. Pas la carte au trésor, c'est dingue ça aussi. Alors que c'est pas vraiment un jeu, tu as dit. C'est pas vraiment un jeu. Et c'est quand on est. Enfin, quand vous étiez jeune. Ouais, mais t'as. Non, mais c'était pas. Moi aussi, c'est à mon époque. C'est début 2000. Voilà. On est sur du 2002. Ah ouais, donc j'étais déjà dans la vie active, malheureusement. Alors. Il y a eu plein d'émissions comme ça. Je peux vous dire la chaîne. Il y a eu un bad buzz ou pas? La chaîne. Alors sûrement, mais j'en sais rien. M6. C'est sur M6. Donc c'est Love pas Story. Non, c'est pas Love Story. Popstar. Non, mais il y a la série Love Story. Non, par mais on s'approche. Popstar. J'ai raté le casting. Alors que le réel est un ami. Ça va? Tout va bien? Après, c'était pour jouer Jean-Edouard. Et malheureusement, tu ne correspondais pas au rôle. Permets-moi de te le dire. Sur M6, il y avait Nice People. Non, non. Le Bachelor. Ah, le Bachelor. Oh, mais attends, j'ai l'impression que ça s'est jamais arrêté ces trucs. Ah, si, le Bachelor, ça s'est arrêté. Et le Bachelor avec une petite particularité. C'est Roselyne Bachelor. Qui présente l'émission. Oui. Ah, le titre. Non, le bachelot. Et elle doit trouver l'amour. Oh là là. Oh là, là. C'est génial. Bon, écoutez-moi, Nagui, t'as sûrement les droits aussi. On veut faire le bachelot. C'est génial. Le bachelot. Le bachelot. Il y a Pierre Bachelet qui arrive. Il dit bah non, à une lettre près, c'est bon, mais. C'est une franchise qui s'offre à nous, là. Oh là là. Mais attends, c'est à cause de la flamme. J'en sais rien. Je sais pas. Bon, le Big Deal, c'est Floodcast. Le Bachelor, c'est la flamme. On est en train de réinventer la télé. Non, mais pardon. Attends, mais c'est quoi le coup de frais? Ils mettent quoi? C'est rien quoi à voir avec la flamme. Je me rappelle que je suis parti juste avant. C'est ça, cartonne. Et donc, oui, alors il y a un petit truc nouveau. Ce Bachelor a une particularité. Il aime les hommes et les femmes. Non, il n'est pas bi. Il n'est, c'est pas une femme, du coup. C'est pas une femme, c'est un homme. C'est un homme. Qui est hétéro, qui aime les femmes. et qui cherche. Et, mais c'est lui qui a une particularité. Il est pas célèbre. Ça serait, il cherche à être en couple libre et il veut tout. Non, je ne crois pas. C'est un. Je sais pas. Il a une particularité physique. Non, pas fatalement physique, mais c'est pas physique. Il a un handicap. Pas un handicap. C'est là où je voulais venir, mais ouais. J'ai tâté le terrain. Non, c'est pas un handicap. Attends, physique, fatalement, tu dis. Il est vieux. Alors, il est pas très vieux, mais il est un peu vieux. Ah, c'est un senior. C'est un bachelor. Oh, beaucoup mieux dit que ça. C'est un vieux, là. Très chiant vieux. Son mène ou quoi. C'est un très vieux, t'as ouais, c'est un très vieux. Oui, donc en fait, oui. Il a 60 ans. Ouais, c'est la moyenne d'emprunt, voilà. Quoi. C'est la mais non, la moyenne d'emprunt, c'est des paysans. Mais ils sont vieux souvent. Pas souvent, pas tant. Ouais, je connais pas, jamais regardé. Ça ne m'intéresse pas du tout. On connaît là son nom, il s'appelle Landry. Landru, hélas. C'est malheureusement Landru, joué par Régis Laspalès en plus. Dire. Comme dans la pièce de Ruquier. Donc il aura cette fois 60 ans, il connaît son nom, Landry, un veuf, papa de 3 enfants. Donc il y a tout un storytelling évidemment. Il est veuf, t'as ouais. Dit Et il aura face à lui 20 sûr. Prétendantes entre 50... De 20 ans, hélas. Non. Oui, entre 19 et 20 ans. Non, entre 55 et 67 ans. Oh, voilà. Cute. Le Golden Bachelor, bon. Ça s'appelle. Eh bien, attends, lui, il a quel âge, tu dis 60. Ah, donc c'est pas mal, ils ont pris aussi ils des ont... femmes et plus vieilles. Évidemment, oui. Il choisira pas une femme plus vieille, hélas. Hélas. Eh bah, tu verras peut-être. Ouais, peut-être. Et oh, tu je verras regarderai peut-être. Pas, bien sûr. Bah, évidemment, quelle rien idée. Rien à foutre. Mais ils vont faire quand même un bar sur ce thème. Un bar chlore. Oh. Oui, bien sûr. On en fait un dernier et après on fera les recommandations culturelles parce qu'il va falloir que je vous lâche. Vous envoyez 12h42, dites-vous. On se régale. Et surtout, je sais. J'ai faim. Oui, bien sûr. Terrible. Bah, on va manger les petits burgers d'un nouveau youtubeur qu'on a sûrement sorti un depuis le début de l'émission. Oh, voilà. Les burgers de Joyka. Ah, bien sûr. Alors, Pharrell Williams, célèbre compositeur. Oui, bon, on sait qui est Pharrell. Oui, voilà. Une chanson. Je croyais que t'étais en galère. Happy. Ah, bah voilà, super. Et bien, il va y avoir un biopic sur lui. Mais oh, ce va biopic. Jouer faire oui bah, non c'est pas ça va avoir une particularité c'est lequel joué par lui-même non attends, on y a en fait il y a un biopic sur Pharrell qui va sortir sur ah, sa oui, vie. C'est une comédie musicale pas une comédie alors peut-être un peu mais c'est pas ça que je vous demande pas c'est on pas y a, on y coup. A du tout il y a okay. Plusieurs acteurs qui vont jouer son rôle non c'est une femme qui va jouer son rôle c'est pas une femme qui va jouer son rôle ça, c'est Bill du Big Deal qui va jouer son rôle c'était Dylan c'était Dylan Kate Blanchett dans I'm Not There. Il y a encore un nouveau film sur Dylan, j'ai vu, non? Ouais, avec Timothée Chalamet. Ouais, mais parce qu'en fait, I'm Not There, c'était pas vraiment un film sur Bob Dylan. C'était un peu le Dali de Dylan. Non, c'est Dylan! Non, c'est Dylan! Ça donne toujours plus Chirac. Crac, que c'est Dylan! Bah, non, ça... c'était des moments de sa vie et mélangés à des persos qui jouaient dans ses chansons. Par exemple, Richard Gere, il jouait Billy the Kid parce que Bob Dylan avait joué Billy the Kid dans Pat Garrett. Et, c'est un film d'auteur. D'accord, oui. Ouais. Ça t'aurait pas plu de bon, quoi. Bon. T'aurais dessiné un peu pendant. Ouais, filmé peut-être. À l'iPhone. Pas filmé à l'iPhone. Oh, j'ai vu un super film filmé à l'iPhone au cinéma récemment. Oh. Tangerine. Ah bah bien sûr, de Shane Baker. Baker. Vraiment bien bon. Ça. Super, vraiment Tangerine. Très bien. Trop bien. Super film. Tu es trop cool comme ça. Non mais. Ça, oui, mais... Tous les films. Ça de mange Shane du Baker. Pain ou pas? Ça mange du pain? Ou pas la moindre miette. Ok. Voilà, mais, voilà. Mais du coup, oui, on s'en fout que ce soit filmé à l'iPhone en vrai. Du coup. Dans le film, non, ça donne un truc cool. Ça a un intérêt? Ouais, parce que c'est vraiment, c'est sur. Deux prostituées transgenres dans Los Angeles, donc tout est un peu chaotique et l'iPhone ça rajoute un truc vraiment cool. Je pense et c'est très marrant aussi, enfin c'est dramatique. C'était pas faisable avec une autre cam. Sûrement si, mais qu'est-ce que tu m'emmerdes. Non, mais je sais pas. Ça montre parce aussi que l'art est accessible et c'est que ça. Tu peux réaliser oui, un surtout, film. C'est accessible, sauf qu'il y a une équipe, il y a un ingé son, c'est pas oui, filmé oui, à l'iPhone. Non, mais c'est pas beaucoup de budget dans les films. Il y a pas beaucoup de budget, il y a pas de star à l'affiche. Le film en plus, d'accord, mais ce que je trouve chouette, c'est que c'est pas son premier film. C'est son premier. Avant, il y a eu Scarlett. C'est son troisième ou quatrième film. Et c'est cool, je trouve, au bout de 3-4 films, revenir à des trucs un peu plus. Non, mais je trouve ça. C'est un peu un gimmick de dire c'est filmé à l'iPhone. Parfois. C'est un gimmick en tout cas. C'était ma question. Qui marche très bien sur ce film-là. Ok, en tout d'accord. Cas. Ouais. Sean Baker qui a eu la Palme d'Or cette année. Et voilà. Oui. Et moi vient aussi. Du cinéma très indépendant. Mmh. C'est vrai. Alors la particularité. Bah oui, alors le biopic. Tout le monde sera bien en Louis Vuitton. Non. Ce n'est pas un. Non, j'allais faire. C'est pas une vidéo YouTube. C'est pas un tapis rouge avec des youtubeurs. Un event quelconque. voilà. Putain, attends, Pharrell. Ah oui, putain, je viens de comprendre Louis Vuitton. Oui, parce qu'il est DA, c'est ça? Ouais. Ouais. Ben oui. Bah, je m'y connais grave en mode. Hein. Est-ce que c'est par rapport à la. C'est vraiment la fabrication du film. C'est tourné pendant un concert et c'est une lecture publique? J'en sais rien. C'est un film d'animation. Alors, tu te rapproches. Ah, c'est en 3D. En pâte à modeler. Ça mélange dessin animé et image réelle comme Roger Rabbit. C'est en animation, mais c'est plus précis que ça. C'est un manga, c'est un animé. Non, c'est pas un animé. C'est une animation créée par une IA. Non. Des marionnettes. Ça va être dur de trouver. En stop motion. Des robots. C'est des projections. Chaque période de sa vie, c'est un style d'animation différent. Non, ce serait magnifique ça. Mais non, c'est pas ça. Ils vont peut-être me piquer l'idée, comme le Big Deal. En nombre chinoise. En nombre, avec des chiffres. En nombre chinois. Mais c'est de l'animation, tu dis. Oui, c'est de l'animation, mais c'est une. J'ai trouvé. Oui. Non, écoutez, c'est la réponse, j'ai trouvé. Il y a eu des films d'animation qui sont sortis. Ah, mais là, je vous dis. Bah, d'une célèbre franchise. Ok. C'est Ghibli et t'as pas le droit de prendre des photos, c'est ça? Non, c'est pas Ghibli. Pendant le film. Et peut-être même ça concerne une personne autour de la table. Oh, Lego! Elle est dans la forêt, elle est dans la forêt. C'est ça? Oh, wow. C'est ça. En Lego, c'est-à-dire que le biopic. Le biopic. J'en ai marre des Lego, putain. Mais tu n'aimes rien! Si, mais. Pardon, pas aimer les trucs que tout le monde aime. Prends un bain! Ça va prendre un bain, parce que c'est Furious! Les écolos. Ça va te détendre! Les écolos qui sont fans de Lego. Oui, bien sûr, du plastoc! C'est rien, c'est moche! C'est pas toujours moche. Ah non, pas toujours. C'est souvent très laid, les Lego. Souvent. Donc, génial. Le biopic. Les fleurs en Lego, je vois ça chez quelqu'un. Brise de mes mains. Je le dis tout de suite. Et Dieu sait que j'adore les Lego. Mais les fleurs en Lego, c'est trop pour moi. Ça, c'est vraiment. Et les tableaux en Lego qui font des visages un peu là. Je connais même pas. Ça peut me rendre foudrage. On a fait une expo avec Clara pour amener la petite The Art of Brick de Lego. C'est un mec qui fait des œuvres d'art en Lego. Une déception de tous les diables. C'était horrible. Mais c'est jamais bien. C'est pas beau, c'est un peu nul. Lego Master, vous avez regardé ou pas? Ça, j'adore. Ah, ouais, je suis plein de surprises. Le côté satisfaisant. Le côté défi. Parce qu'en fait, ce que j'adore dans Lego Master, c'est un peu de la création. C'est-à-dire que c'est pas juste ils doivent créer des Lego. Ils ont un thème et ils doivent construire en 6 heures des trucs de Lego. Ah, mais là, il y a de la créativité. Énormément et de créativité. Et que tout ça se tienne aussi. Hein. C'est ça. Et non, moi, j'aime bien Lego Master. Ça, je peux regarder. Mmh. Donc, oui, Pharrell Williams, la bande-annonce de ce prochain film d'animation Lego qui s'appelle Piece by Piece. Portant sur la vie et est attendu en salle en octobre 2024. Mais attends, en fait, c'est du vrai Lego ou c'est comme Lego le film et c'est de la 3D? Je pense que c'est comme Lego le film et que oui, c'est de la d'accord. 3D. Mais c'est des Lego. Et donc dans la bonne annonce, pourquoi tu pas, as entre autres Jay-Z, Snoop Dogg, Gwen Stefani, Kendrick Lamar, Snoop Dogg ou Busta Rhymes en Lego. Oui, mais après il y a peut-être peut-être qu'ils utilisent une métaphore de l'artiste qui se construit et du coup il y a le truc de Lego machin. Bah, ça s'appelle Piece by Piece. Oui, j'imagine que donc, du coup il y a un peu. C'est pas gratos quoi, j'imagine. Alors attention, je pense aussi qu'il y a un énorme intérêt pécunier parce que pécuniaire. Un intérêt collab, oui, parce que c'est AIRE. Ah putain, bah j'en ai pris oui, une belle. Je pensais que pécunier, ça se. Non, beaucoup de gens font l'erreur. Ah ouais. Et c'est pécuniaire parce que c'est AIRE. Donc ah, c'est... D'accord, ah ouais. Je croyais que ça s'accordait en genre. Eh non, mais non. J'ai oublié le mot. Est-ce que vous aviez des jouets fétiches quand vous étiez petit? Les petits poneys, les polypockets. Oui, je slay parce que je suis vieux. Un bout de bois. Un petit bout de bois, moi, seulement. Un mandarine. Une simple orange. Donc vous vous faites rire avec vos iPads. Putain, un objet fétiche. Un jouet fétiche. Pas un jouet, un jouet que vous aimiez bien. Déjà, vous aviez des doudous, en vrai. Ah bah moi, je l'ai toujours. Ah ouais. C'est quoi ton doudou? La débile. Il s'appelle... Oui. Non, mais je sais pas, non, je sais pas si je c'est honteux ou pas. Mais bon, mais non, il s'appelle Jeannot. Ah oui. Oh, c'est le nom de mon camtar. Oui, Jeannot. Ouais. Mais le truc, c'est que Jeannot, je l'avais donc depuis que je suis gamine. Je l'avais laissé chez une copine, genre quand j'avais 20 ans. J'allais dire un truc méchant. Non. Mauvaise personne, l'avait jeté à la poubelle parce qu'elle avait déménagé. Aïe. Ce qui a été un drame, je ne parle plus à cette personne. Peut-être un petit peu démesuré pour un doudou, mais non. Je l'ai retrouvé sur eBay il y a 5 ans. C'est l'intention, c'est, ah ouais. C'est le manque d'attention envers toi qui est. Ah, j'ai trouvé ça horrible. J'ai cherché sur eBay mon doudou. Enfin, mais tu j'ai tapé lapin, oui, bretelle, le même, quoi. J'ai trouvé le même et je me suis dit, mais du coup, est-ce que c'est Jeannot? Et on m'a dit, regarde James Bond. Il y en a eu plusieurs, et pourtant c'est toujours James Bond. Donc Jeannot, ça sera toujours Jeannot. Après, c'est quand même pas le même. On a tous notre préféré. Ouais, mais oui, j'ai un doudou. Ouais. Incroyable. Je dors avec, je suis un gros bébé. C'est un lapin. C'est un lapin, ouais, du coup. C'est un lapin mignon. Mais tu sais, moi j'ai jamais eu de doudou, parce que je mordais mes cols de trucs, et je continue à mordre mes cols de t-shirts, oui, voilà, des trucs, donc c'est la même chose. Quand hein, même le système oui, on a tous des trucs un peu. Voilà, il y en a qui se mettent des gousses d'ail dans le cul. Ouais, chacun son truc. Moi, c'est des tuyaux. Personne autour de cette table. Non, des gens. On va tous dire d'ailleurs un truc qu'on s'est mis dans le cul, parce qu'il y a que. Non, ton ami. On va tous parler d'un ami. Personne l'a fait il y a longtemps. Ouais, ça remonte au moins. Moi, j'ai pris un spéculum dans le cul, je l'ai déjà raconté. Ah oui, c'est vrai, spéculum dans le cul. Ben oui. Eh oui. Moi, un balisto. Voilà. Non, c'est pas vrai. Pour une sortie nature. Ouais, bah écoutez. C'était pendant un jeûne, je voulais quand même me mettre un petit casse-dalle de côté au cas où. Toi, Nathalie, jouet fétiche. T'avais un doudou, oui, c'est ça? J'ai pas de doudou, je trouvais ça tellement puéril du haut de mes 4 salopes. Franchement. Tous ces enfants. Vous avez besoin de ça? C'est ridicule. Ouais, non, non, j'en avais pas. Mais t'avais une tétine peut-être? Ou peut-être même tu pas. Suçais ton pouce? Non, non, je te ah, ouais, dis. Ah, très... oui, ouais, vraiment, ouais, c'est pas pour toi tout ça, quoi. Je comprenais pas, moi, ça m'intéressait c'est pas. Passé au-dessus. Je pensais déjà à créer des sociétés et à des montages. Elle financiers. Avait un cabis, elle avait simplement un cabis à l'époque. J'avais une petite caisse en plastique et je calculais déjà mes placements. Je comprends. Et toi, Adrien, t'avais un doudou, une petite peluche? Un doudou, non. Ou un jouet fétiche? J'avais un Action Man fétiche, par exemple, quand j'étais petit. Bah, j'adore les G.I. Joe, mais ouais. Pas... Non. Au Japon, ça m'a tué. Il y avait des trucs que, quand j'étais petit, il y avait les Street Sharks. Ça, c'était vraiment un truc de mec. Ah, mais ça, c'est pas mon... Bah, quand t'étais un garçon, ça. Après les Tortues Ninja... C'est une tête de requin sur un corps humain. C'est ça, il y avait eu toute une vague de jouets. Et il y avait les motards de l'espace qui étaient des souris qui conduisaient des motos. Ah oui, et oui. Et les Street Sharks, c'était des requins avec des jambes qui se battaient dans la rue en mode vénère, quoi. Oh, wow. Et moi, avec mes jouets, je faisais des rencontres. Genre les Tortues Ninja rencontraient les Street Sharks. C'était incroyable. C'est le multiverse. J'ai créé le multiverse. C'est-à-dire que j'ai relancé le Big Deal, le Bachelor et le multiverse de Marvel. C'est les trois trucs que j'ai relancé. Le mot multiverse est trop utilisé à tort et à travers ou pas, je me demande. Les gens le mélangent avec métaverse souvent d'ailleurs. Même. Ouais. Mais oui, si, j'avais. Je me souviens que j'avais le ring de la. À l'époque, c'était la WWF qui s'appelle WWE maintenant, la ligue de catch. Ouais. Et j'avais les figurines des catcheurs et tout. Et ça, ça a été très très peu de temps dans ma vie, mais ça m'avait marqué, quoi. Comment s'appelait la star des catcheurs blonds là? Hulk Hogan. Et puis il y avait Undertaker et tout ça. Et ils avaient tous une petite particularité et tout. Et je sais pas pourquoi ça m'a marqué ce truc, mais parce qu'en plus je regardais pas spécialement beaucoup le catch. Mais je sais pas, je me souviens de demander à mon père, ah tu m'achètes lui, et il me l'achetait et j'étais content. Mais surtout que, et c'est pas une blague de t'es vieux machin, mais le catch était présent. Non mais parce que moi j'ai l'impression d'avoir vécu l'arrivée du catch un peu fort en France. Non mais où ça passait vraiment à la télé, où j'avais des potes avec des t-shirts. C'était sur Canal Plus, ouais. Et moi j'ai vu quand des ados arrivaient avec des t-shirts de catch, c'était surprenant pour moi. J'avais pas l'impression que c'était un truc connu. Toi, à ton époque, il y avait des trucs. Ouais. Mais après, là, je te parle, j'avais peut-être 10 ans. Donc, cela dit, non, 10 ans. Non, moi, j'étais pas né. Ouais, j'étais pas né encore. Il y avait pas un dessin animé aussi? Hulk Hogan, si. Ah ouais? Ah, bien sûr. Oh, wow. Et en France, il y avait un dessin animé Carlos surtout. Et ça, bien sûr. Incroyable. Ah, c'était T'as le bonjour d'Albert où il y avait Carlos au début, non? T'as le bonjour d'Albert. C'était le vrai Carlos. Oh. C'était les aventures. Dessin animé, les aventures de Carlos. On va s'écouter tout de suite le générique des aventures de Carlos. Qui roule pas, mais marche super. Et c'était Carlos qui chantait le générique. Ouais. Non, les aventures. Non, mais calme-toi, non. Oui. Comment ça, non? T'as le bonjour d'Albert. Le gros bébé. Mais moi, c'est pas de ça que je te parle, mon pote. Oui, donc il y avait un dessin animé Carlos. Oh, déjà là on est dans. Oh. Ah ouais. Il faisait des blagues racistes ou pas dedans? Comme dans la vraie vie. Ah oui, parce que il faut savoir que Carlos, il a sorti un livre de blagues. Ça. Ah oui. Attention hein. Attention, ne lisez pas ça sur Twitch par exemple. Un react à Carlos, oui. Non après un react, ça va, ouais, mais. Ouais, non, mais bien sûr. Faut prévenir les gens, quoi. Chers amis, on a dû aller un peu vite et j'ai dû sauter une question. Qui n'a pas pu emmener une anecdote. Pardon, j'ai faim, je suis. De Nathalie qui m'avait dit un jour, j'aimerais bien la raconter dans le podcast. Oui. On va pas dire de nom, mais Nathalie, t'as eu une histoire de chiottes bouchées par un youtubeur. Ah, ça y est, ça m'est revenu. Ah oui, moi aussi là. Oh là on dira pas le nom. Non, mais tu peux raconter dire le nom et on le bipera, non? Tu veux que je raconte? Moi, ça, je trouve ça vraiment drôle. Oh là là. Là parce que forcément, il y a toujours un truc où les gens vont vouloir savoir qui c'est. Comme Pascal l'acteur. Comme Pascal l'acteur. Alors, déjà, on peut le dire, ce qui est rigolo, c'est que c'est pas du tout ton entourage proche. Ah non. C'est pas un youtubeur avec qui t'as collaboré. On va dire Pascal le youtubeur. Voilà. C'est la première fois qu'on se voyait. C'est ça. Donc on va l'appeler Pascal le youtubeur. Ou le chieur fou. Le chieur fou. L'enquête du chieur fou. Pascal le chieur. Ah mais ça m'a tellement. Pascal le grand chieur. Choqué. Alors est-ce que tu peux nous en parler? J'étais en boîte de nuit. Voilà. Car j'avais un ami qui mixait. Voilà. Salut Michael. Si tu écoutes le poil de ce podcast. C'était à la Mano, une petite boîte sympathique et tout. Et à un moment, j'ai envie d'aller aux toilettes, sauf qu'il y a une queue, mais j'ai jamais vu ça, vraiment une queue. Une queue de festival. Non, mais vraiment, ouais. C'était juste des toilettes dans une petite boîte. Et quoi. Pas japonais. Et comme je connaissais bien aussi le gérant des lieux, il m'a fait t'inquiète, il y a mon employé là qui va t'emmener vers des toilettes un peu cachées au fond de la boîte. Oh là là. Les toilettes qui se trouvent être dans la petite cuisine aussi. Génial. Et donc, je suis ce petit bonhomme et je suis avec une fille rencontrée au cours de la soirée qui est assez chouette et rigolote. On ne se connaît pas vraiment, mais voilà, on y va à deux. Et donc on arrive dans ces toilettes et là arrive le chieur fou. Oh. Mais ça vend là déjà la vanne, hein, mais l'anecdote. Bah, ouais, mais bon. Non, pas fou, vraiment je trouve. Mais le chieur fou, c'est toujours bien. Arrive dans les toilettes accompagné de deux amis et oh mais c'est improbable qu'on se rencontre là après tant d'années sans jamais s'être croisé et tout. Trop sympa, le man. Le man sur le papier. Trop sympa. Pascal le youtubeur. Donc ma copine de la soirée va dans les toilettes, elle ressort, j'y vais et ensuite le chieur fou y va. Il ressort et là vous vous doutez bien que le chieur fou qu'est-ce qu'il fait ? Il chie. Mais son nom n'est pas usurpé. Il voilà. Chie. Voilà. Sauf que là, il a l'air un peu gêné, il ressort des WC en nous disant. J'arrive pas à faire partir ce que je viens de produire avec mes fesses. Voilà, c'est ça. J'arrive pas à faire partir mon étron. Il a pas pu dire au revoir à son caca. Voilà, voilà bien sûr. Oui. Donc, ce qui se passe, c'est que je ne juge pas. Je fais, ça peut arriver à tout le monde. Donc je fais, mais pas de souci, bien, on va trouver une solution. Je sais pas, là par exemple, il y a une bouilloire là. On est dans la cuisine. Là, regarde, il y a un seau à champagne. Tu le remplis avec de l'eau, parce qu'on est dans la cuisine, donc tu prends le robinet, tu le remplis de flotte et tu verses dessus. Oui. Et il me fait non, mais. Je lui dis, mais je sais pas, gère ta crotte. J'ai vraiment dit, mais faut que tu gères ta crotte. Ouais. Et il rigole et tout. Donc je fais, attends, mais viens avec moi. Et donc là, je suis là à mettre le seau une à maman. Champagne. Tout simplement une maman. Sous le robinet. Ouais. C'est rempli. Je remplis et tout. Et je fais, mais vas-y, t'as juste à verser là. Et il continue à rigoler, à pas me répondre en fait. Il fait, et t'es pas défoncé, pas bourré, rien du tout. Et là, je commence à halluciner. Je me dis, mais c'est pas possible. Il n'est pas en train de gérer sa crotte. Et là, je dis pas, gère et ta crotte. Et s'il y a un truc dis, qui t'énerve chez les gens, c'est ceux qui gèrent pas leur crotte. Oui. Et donc là, je lui dis, mais gère ta merde, c'est plus fort que crotte. Oui, bien sûr. Gère ta merde. Ouais, ouais. Là, j'ai même une photo avant que de commencer à m'agacer un petit peu de cette personne, le chef fou, à côté du seau rempli d'eau. J'ai la preuve concrète. Et donc là, il y a l'employé qui nous a ouvert gentiment la porte précédemment, qui arrive et donc qui est au fait de l'histoire, de la circonstance, qui en fait prend la bouilloire et commence à la faire chauffer l'eau. Et je lui fais, ah, bonne idée, tiens, peut-être faire fondre la matière fécale. Ça marche bien, comme ça peut être sympathique. Ça me commence à me sentir mal. Et donc je lui dis, bah, vas-y, bah, prends la bouilloire et tout. Et il bouge pas, il reste à rien faire, à continuer à parler avec ses potes. Et donc c'est l'employé qui va prendre la bouilloire et nettoyer la merde de ce créateur de contenu de merde. De ce vidéaste. Créateur de merde. Créateur de merde. Et donc j'ai trouvé ça genre. Mais un irrespect, quoi. Un irrespect le plus total. Ok, t'as chié, on s'en fout. Mais oui. Gère ton problème. Puis c'est fait, en fait, quoi. C'est-à-dire que les gens savent que t'as chié. Donc moi, il y a un truc aussi. Enfin, c'est quoi ton hygiène de vie si tu t'es en boîte de nuit et tu chies 3 kilos de merde, mais quoi. Pas de problème. Non, mais genre, tu ça chies pas le matin, c'est quoi, qu'est-ce qu'il avait peut-être mangé un burger à 1 euro et après un burger à 1 million d'euros. Ce n'est pas un indice. Peut-être que toute la journée, il avait essayé de déposer son. Oui, colis, peut-être. Bon. Je juge mais pas. Mais en fait, les basses de la boîte de nuit. Peut-être. Ça m'a vraiment choqué d'irrespect. De la laisser comme ça. D'immaturité. Et du coup, bon, vraiment, ça m'a saoulé. Je fais, bon, on se casse. Et la pote que je venais de me faire, elle commençait à s'embrouiller avec lui. Je fais non mais vas-y, on s'en va. Et donc cette personne dans son pseudo a... Faites mener l'enquête. Bon, l'enquête est facile. Quoi. Ouais, c'est... En tout cas, en fait, tu m'avais raconté, mais j'étais en train de me dire, putain, je me rappelle plus qui c'est. Ah, mais incroyable. C'est fou, je l'ai posté en story à mes proches. Non, franchement, j'ai pas trouvé ça cool. Peut-être tu pourras bipper. Oui, l'indice. J'ai posté hier en son. Bref. Ouais. J'ai pas trouvé ça cool du tout. Et après, non. Sortant, quand j'ai. Mais il a la tête d'un chieur fou, voilà. Quand... Ça, on peut peut-être le garder. Ah, mais maintenant que j'ai le visuel, oui. C'est moi, c'est-à-dire que. Quand tu apprends le nom à la fin, tu dis oui, bien sûr. Et malheureusement, une tête a fait des merdes qui daubent. Ignoble merde. Il est sur la liste des chieurs-fous. Ah ouais, bah oui. En sortant, je suis retombée sur un de ses potes qui était donc il était venu accompagné de deux amis qui eux étaient très sympathiques. On avait rigolé au début. Bien sûr. Et je lui fais, mec, juste pour te dire, en plus la musique était forte, je fais ton ami est vraiment irrespectueux. il m'a fait mais t'inquiète, moi je le connais depuis l'enfance et en vrai il est super gentil. Non, t'as une mauvaise image de lui. Je fais non, ce qu'il a fait c'est déshumanisant. Ouais. Il devrait pas traiter les gens comme ça, il devait gérer sa crotte. Et vraiment j'étais scandalisée. Et lui me dit non, je te jure, c'est peut-être pas un bonjour, mais il est super ce gars. Ah, c'est pas un bonjour. Bah, en termes de transit en tout cas, une mauvaise première image que j'ai de cette personne. Gère sa crotte et depuis samplé par le DJ de la soirée. Gère ta crotte, gère ta crotte. J'ai ta crotte. Quentin Moziman va faire un petit remix, je pense. Voilà. Voilà, c'était un coup de gueule. On l'a pris en pleine gueule. Nous allons faire les recommandations culturelles. Est-ce qu'il y a des choses culturelles qui J'ai totalement préparé tout ça. J'ai acheté un bouquin en brocante qui m'a fait penser à Adrien Méniel. J'étais présent, tu étais venu en Bourgogne. On était tous en Bourgogne. Oh. Mais bien sûr. Ah oui, mais c'était chez Emmaüs en fait. Eh, bien sûr. Donc, c'est un livre écrit par René Moïsette, Initiation au karaté. J'adore. Avec des belles illustrations. Mais la couverture, elle est magnifique. Je trouve que c'est un bel objet. C'est un très bel objet. Et dedans, tu vas pouvoir apprendre le karaté. Les différentes techniques, les fondamentaux, les mots employés par l'arbitre, Ippon, tout ça. Il y a tout. C'est vachement complet. Ippon, c'est le judo, ça. Différentes manières de frapper avec la main. J'en connais pas mal. Mais attaque du poing. Tu as très galéré. Il y a des schémas. Non, c'est trop, trop bien. Merci beaucoup. Elle est vraiment magnifique. Il est beau, hein. Ouais, c'est un très beau livre. Bah, je suis très, très content. Merci beaucoup. Voilà, il a été gâté, hein, Méniel. Ah, parce qu'il est tout le temps en colère. Alors, on essaie de l'attirer avec des petits cadeaux, des goodies. C'est le syndrome de l'infirmière. On a envie de le prendre dans les bras. Bien plus souvent triste qu'en colère. Non, mais merci. Et quand tu seras triste, lis ce petit livre. Je ferai des. Voilà. Ah, Jimmy. Bien sûr. Je suis désolé, ça fait vraiment flatterie et tout, mais j'ai rematé Défense personnelle chez moi récemment. Qu'est-ce que c'est drôle. Merci. Je me suis fait une session Adrien Méniel, je vous le dis, parce qu'on fait pas d'émission. Je lui manquais. Mais c'est vrai, à thème Adrien Méniel. Mais non, mais tu sais que tu pourrais simplement me proposer qu'on se voit. Non, parce que dans la vie, j'aime pas. Ouais, c'est vraiment un sketch, mais tu ça, me fais rire. C'est ma relation avec chaque personne sur Terre. Et j'en profite aussi pour vous offrir vos cartes Feimousse. Oh, c'est la gratuité chez Mousse. Mais incroyable, vous elles sont belles. Ne payez pas vos boissons ni la nourriture. Régalez-vous. Mais c'est dingue. Mais on m'a jamais fait d'aussi beau cadeau. C'est vraiment incroyable. J'ai l'impression d'être vraiment une star. Je suis vraiment ému. Merci. Mais attends, c'est fou. C'est le coffee shop Mousse au 37 rue des Archives dans le Marais. Malheureusement, quand quelque chose. Salon de coiffure également. Quand quelque chose est gratuit, attention. Je vais ruiner ton établissement. Je vais venir chaque jour. Mettre un petit cadre. Est-ce qu'il y a des conditions ouais, est-ce qu'il y a une clause en petit caractère, genre c'est seulement une fois par mois pour ou... le moment, les gens à qui j'ai donné se comportent bien. Okay. On peut être les premiers horribles. Je te rassure, je sors jamais de chez moi. Donc je mets pas bien. Et puis toi, le coiffeur, tu vas pas y aller beaucoup, mon pote. Mais régalez-vous. Peut-être un petit coup de. Ils font des massages de crâne, t'avais dit. Ah oui. Non, mais si. Oh là là, sublime. Sublime. Non, mais ça, c'est pas gratuit par contre. Non, pas la coiffure. Parce que la coiffure, ça monopolise bien sûr. Deux coiffeurs. Mais attends, t'as pas à t'excuser, t'as pas à t'expliquer. Excusez-moi, je suis qu'une mère. Non, mais ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être mieux. Un sens de l'accueil, un peu bancal. En plus, la carte est vraiment belle, elle brille. Je suis très heureux. En acier. Elle est magnifique. Franchement, je suis très touché. Merci beaucoup, Nathalie. Tu nous as régalé. Tu vois, je suis plus du tout en colère. Je suis apaisé. Un peu en colère parce que j'ai faim. Mais attendez, mais c'est la première fois. C'est pas vrai. Tu l'as pas dit, c'est vrai. Quelle erreur! Vanessa, toi t'étais à Cannes, Moi j'étais, c'est vrai, j'étais à Cannes. Tu recommandes le festoche? Je recommande ce putain de festoche, ouais bon délire. Qu'il y a des trucs. Alors, je vais dire un truc. Sacré foutu festoche. Cannes pour Vanessa, c'est un putain de festoche. Ah, c'est un putain. Non mais j'ai un truc avec Cannes, moi, c'est que les gens qui donnent leur avis sur des films qui sortent dans 8 ans. On s'en fout un peu, voilà, ça m'énerve. Quand les gens disent, voilà, le Coppola, tu fais, il est en novembre au cinéma, donc vraiment, ça ne sert à rien de nous donner ton avis, on le voit pas tout de suite. Je vais pas faire de recommandations sur les films que j'ai vus à Cannes. Très bien. Non, mais s'il sort genre la semaine prochaine, why not, tu Non, vois, mais parce voilà. que pour bon, le coup, les va, films que j'ai bien aimés, les femmes, laisse-la parler, dire ce qu'elle veut. Attends, alors moi. Je raconte un peu ma vie. Je passe par une histoire personnelle pour vous saisir. Je fais un Deliveroo quand même. Storytel, voilà. Vas-y. Figurez-vous que je me suis rendu compte que je ne lisais plus de livres. Ça me manquait beaucoup. Ouais. Je n'ai plus d'attention et ça me fait très peur car je colombance et j'ai l'impression à perdre un peu la mémoire. Okay. Voilà. Pareil, donc je me suis dit, voilà, c'est terrible. Dans le même main avec une Est-ce boule que de... c'est des traumas Est-ce que c'est des... Je ne sais pas. Ouais. En tout cas, bref. J'ai décidé d'arrêter de dormir avec mon téléphone portable pour ne plus scroller indéfiniment pour me donner l'impression que ma vie est remplie. Bien sûr. Donc je dors, mon téléphone est très très loin de ma chambre et du coup le matin je lis des livres. Donc je vais parler. Wow. Donc je suis très fière de dire que je lis des livres en ce moment. J'en ai lu 5 en un mois et demi. Ah oui, d'accord. Wow. Versus 0 l'an dernier, je pense. Oui, oui. Faut que je te suive là-dessus. Et oui, et j'ai lu un livre qui est super, qui s'appelle Du même bois de Marion Fayolle, qui fait aussi des BD, qui a fait une BD qui s'appelle La Maison Nue notamment. Ah, oh, je l'ai lu, voilà. C'est ma recommandation en fait. c'est une très belle BD sur des colocataires. Et d'ailleurs, on est en colocation avec Vanessa. Absolument, ça m'a pas C'est des colocataires qui se soutiennent émotionnellement. Ils traversent chacun des épreuves. C'est Friends, quoi. C'est sublime. J'en profite pour dire que colocataire, c'est comme pécuniaire. Voilà, on dit pas colocatrice, on dit colocataire. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est épicène qu'on dit. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Je lis deux livres, c'est pour ça. J'en ai lu cinq. Ça va, la binoclarde ? Non, mais j'ai 10 000 mots dans la tête. Mais donc, ouais, Du même bois de Marion Fayolle, c'est son premier roman, donc c'est un roman, et c'est vraiment génial. Et ça parle d'une enfance en Ardèche, et je viens d'un endroit qui est pas très loin de là-bas. Ah bah voilà. Et la grosse pomme. La grosse pomme du village de Pélutin. Du Pélussin. Ah, je t'en ai parlé de ça. Non, mais j'ai pris une photo devant la grosse pomme. Mais c'est vrai. Il a pris une photo devant la grosse pomme du village de Pélussin, qui est l'endroit où j'ai fait mon collège. En tout cas, voilà. Wow. Et c'est un super roman que j'ai adoré, qui m'a beaucoup touchée parce que je reconnais les gens qui parlent comme dans ma famille, c'est-à-dire avec beaucoup de fautes de syntaxe. Mmh. Et c'est adorable et c'est très touchant et très mélancolique aussi. Génial. Voilà. Très bonne recours. Du même bois. Adrien Méniel. Alors moi, c'est moins un télo, beaucoup moins, mais c'est un podcast qui s'appelle The Lonely Island and Seth Meyers Podcast. Du coup, Seth Meyers, qui est un ancien du SNL, qui maintenant a son talk show et tout ça, mais qui était head writer même du SNL, qui était head writer du SNL absolument, ouais. Et The Lonely Island, du coup, qui ont fait Dick in a Box, qui ont fait Jizz in My Pants, etc., mais qui ont commencé avec les SNL digital shorts, qui étaient un peu des trucs faits avec pas de thunes. Enfin, ils ont un peu imposé un style dans le SNL le genre de sketch qu'on faisait à Golden Moustache un c'est peu ça. Mais si je peux me permettre, c'était sur à la télé, mais ils ont copié sur nous, voilà, déjà, ouais. Comme le Big Deal. Et non, c'était les premières, enfin pas les premières, mais ça faisait partie d'une première génération même de vidéos YouTube. Carrément. Parce qu'elles étaient balancées ensuite, et d'ailleurs ils le racontent un peu dans le podcast, pas sur YouTube au tout début, elles étaient mises illégalement par d'autres gens. C'était d'autres gens, et eux disaient putain, trop bien, il y a un mec qui l'a mis illégalement sur YouTube. Et après c'était supprimé, ils disaient ah, fait chier, parce qu'à l'époque contre le network, parce que c'est assez récent que SNL a mis les sketchs sur YouTube. Mais bref. Et même nous à l'époque de Golden, enfin les gens n'aimaient pas que Canal ne mettait pas ses programmes sur YouTube. Enfin, il y avait un truc de maintenant YouTube, on n'a pas d'argent dessus, c'est nul, voilà. Ouais. Etc. Voilà. Et du coup, donc c'est Seth Meyers qui anime le podcast, et il y a les trois gars de Lonely Island, et ils reviennent sur leurs sketchs et tout ça. Et c'est assez marrant parce que bon, déjà, moi je trouve ça toujours cool de voir les coulisses d'un truc, surtout un truc aussi gros que SNL, mais en plus là c'est un truc un peu à part dans le SNL, donc ça raconte aussi des relations où eux c'était un peu les mecs qui débarquaient de nulle part et qui venaient un peu disrupter une institution comme le SNL, donc c'est un peu marrant. Et de voir aussi que quand ils racontent qu'ils disaient ouais bah ça c'est cette scène là c'est tournée dans la chambre de machin parce qu'on avait pas de thunes, on avait une vieille cam de merde et tout. Et c'est déjà c'est assez cool pour ça. Puis moi en plus il y a des fois où ça me rappelle un peu l'époque Golden et tout, évidemment toute proportion gardée. Mais tu te dis, oui, en fait, ils tournaient dans des conditions de merde, mais eux, c'était pour le SNL. Et c'est marrant, ils parlent aussi des sketchs qu'ils n'ont jamais sortis et tout. Et c'est vraiment marrant. C'est quoi. Ça, c'est très drôle. Et de voir aussi, en fait, ce qui me fait penser à l'époque Golden, c'est vraiment les trucs où ils disent, bah, en fait, lui, il avait cette idée, personne ne trouvait ça drôle, il y croyait toujours comme faire et tout. Et c'est vraiment des trucs qu'on a vécu à l'époque. Bien sûr. Notamment mon sketch Bill du Big Deal avec un mélange entre la série Louis et Bill du Big Deal que je n'ai jamais pu faire. Qui est quand même basé sur l'idée de base. J'ai dit, mais alors attends, mais comment il a eu cette idée géniale? C'est juste qu'il pensait au générique qu'il aurait fait. Alors, parce que c'était le générique de la série Louis. Bon, évidemment, au final, je suis content de ne pas l'avoir fait. Mais... Puisque Bill du Big Deal a été cancel. Ouais. Non, mais ça faisait Bill du Big Deal. C'est le point de départ. On faisait le générique, mais c'était Bill du Big Deal et après, il faisait du stand-up. Écoute, c'est Catherine Barman. Je produis ça dès le mois prochain. À sa profit. Je veux les droits. Ça et Interville. C'est ça. Très bon podcast. Très rigolo parce qu'en plus, c'est des gens. Moi, ce que j'adore, c'est parfois ma limite avec le podcast des artistes. C'est que des fois, ils s'écoutent parler, je trouve. Ils font un peu du storytelling de leur life, ils en font un peu des caisses, etc. Eux, en vrai, même, il y a Andy Samberg. Ah, j'allais le dire. Oui, voilà, vas-y. Même lui, il est là, genre, c'est pas mon truc préféré, ce podcast. Dit, mais moi, j'aime pas les podcasts, j'ai pas envie d'être là. Mais il est quand même marrant, il y va de bon cœur, il est pas relou du tout, il participe, tu vois. Mais ce qui est drôle, c'est qu'ils sont vraiment en mode, ouais, bah voilà, on a fait ça. Il y a un côté, c'est ça que j'adore, moi, à la base dans le podcast ou dans les vidéos YouTube, la désacralisation. Et il y a vraiment une vraie désacralisation du SNL, d'écrire des blagues, de faire des sketchs. Et ma maman, là, dans un des derniers, il parle de ce qui est, selon eux, les pires sketchs du SNL qu'ils ont fait, alors que moi, je les trouve très, très drôles. Dont une chanson avec Tom Hanks qui s'appelle « Please don't cut my testicles ». Et voilà, il te raconte tout ça et je trouve ça vraiment génial. Et c'est vrai que c'est marrant parce qu'on en a parlé tous les deux avec Adrien. On disait, putain, ça aurait été... Ça te donne presque envie de faire la même chose, pas forcément pour les gens, tu sais, de parler de Golden et Bagel, mais juste parce que ça fait plaisir de parler de cette époque, quoi. Tu vois, c'est cool, ça fait marrer de revoir. En plus, je sais pas si toi tu fais ça, mais tu remates les sketchs, du coup, t'as envie de voir à quoi ils ressemblent et tout. Et voilà, donc c'est vrai que ça m'a. J'ai vachement kiffé ce podcast aussi. Donc c'est en anglais, hein, évidemment. Ouais, oui, c'est vrai. Voilà. Oui, bien sûr. Oh, vous savez, moi j'ai vécu un an aux US. Tu parles du UCLA. Moi j'ai fait UCLA, ouais, je suis diplômé. Attends, ouais. Là-bas. De l'université de cinéma la plus prestigieuse. Ouais, ouais, c'est moi ça, ouais. Mais attends, là-bas tout est plus grand, non? Ah, c'est immense. Et c'est carré au cordeau, c'est-à-dire que c'est au cordeau, c'est des angles à 90 chaque rue. Nathalie, là-bas, le maxi best-of chez nous. Ouais. C'est le best-of chez eux. Non, mais c'est tout petit. Non, mais demande un verre de coca, c'est la taille de ta tête. Et là, tu dis, mais et tu peux tout te resservir. J'ai pas demandé une amphore quand même. Attends, vous buvez que du coca. C'est XXXXL. Avec leur flingue là. Mais ce qui est bien, c'est que l'argent, c'est pas tabou. Oh non, les non, gens non. Ils se baladent avec leur fiche de paye. Bien sûr, personne n'a fait ça. Mais en France, c'est horrible. On a honte d'avoir de l'argent. C'est faux, voilà. Pas du tout. Pas ils du sont tout. Enthousiastes. Chaque youtubeur dit une somme d'argent incommensurable dans le titre. J'ai dépensé 10 000 balles pour faire ce truc, mais on s'en fout. C'est pas ça qui intéresse. C'est la fin de cette émission. Merci à tous d'être venus. Merci. Nathalie Ojireshko, ouais. Natou. Oui. Twitch en ce moment. Ah, ah oui, Twitch voilà, à fond, à ça fond. Twitch les à fond. Tu as des emplois du temps. Alors je sais qu'il y a Soirée Mousse toutes les deux. Non, mais là j'ai vrillé parce que c'est tout frais et tout récent. Donc, du coup, je stream tous les jours. Ah, tu... ah ouais. Oui. Bah ouais, mais c'est je suis vraiment accro. Et alors t'as vu, j'ai aussi une caméra sur. Non, je sais pas si t'as vu. Bah, j'ai vu parce que j'ai parlé dans ton chat et tu m'as pas répondu. Ah, j'ai pas. Non, mais attends, attends y a pas... début, t'as le début. Trop d'infos en même temps. Tu répondais à d'autres gens quand même. Mais. Excuse-moi. C'est pas grave, je plaisante. Mais j'ai une caméra sur le siège qui est derrière moi. Du coup, souvent, il y a mes chiennes dedans. J'ai aussi du coup, moi, c'était ta maman qui était dedans. Mais... Ah oui, du coup, voilà, j'ai une caméra non, mais c'est trop bien. Sur le fauteuil. Sublime. Et c'est génial. Et donc, tu t'amuses à faire ça en ce moment. Mais je m'amuse, je fais plein de choses. Bon, des jeux, du papotage, mais aussi j'ai testé le stream IRL avec mon iPhone en brocante. Ah, oui, vide-grenier. Oui. Donc, Brocante Explorer, bien sûr. Tout trouvé et les gens ont adoré et j'étais trop contente parce que c'est un des trucs que je préfère faire, chiner, faire des bonnes affaires, rencontrer des gens. Chineuse fou du coup. Ouais, on peut l'appeler comme ça. Ouais. Parce que fou ne s'accorde pas, pareil. C'est comme colocataire. J'ai faim. Et c'était chambé. Bon bah trop bien. Et là du coup bien sûr ma première émission, j'ai jamais animé c'est quelque génial. Chose avec Vanessa qui est la rédac chef de l'émission. Mais oui. Et Clara Le Sage, productrice génial. De talent. Enfin, on a monté ça entre amis et c'est génial. C'est une petite émission de talk un peu. De talk, ouais, qui se passe des petits chez jeux. Mousse, soirée mousse. Ouais. Et la grande première, c'était hier. Donc pour ceux qui vont écouter, c'était il y a quelques jours. Et des petits replays, j'imagine. Il y a un petit replay qui devrait on arriver. On va faire une vidéo YouTube. Voilà, c'est ça. Et ça s'est trop bien passé. C'était avec Bagheera, cool. Magla, et Bagheera, Coco. Bien sûr. Voilà. En invité prestigieuse. Génial. Trop voilà. Bien. Donc ça continue, c'est génial. Oui. Donc Vanessa, effectivement, tu as travaillé sur Soirée Mousse. Absolument. Tu as toujours ce que tu as produit qui est dispo. Parce que j'ai fait un rapide résumé au début, mais il y a aussi un documentaire sur Canal+ que tu as produit. Qui s'appelle Mental Combat et Stéphane aussi toujours sur Canal. Alors juste Mental Combat, on peut expliquer ce que c'est. Oui, c'est sur le chess boxing, donc ça. Une discipline qui a été inventée par Enki Bilal dans les années 90 et qui depuis fait l'objet de véritables combats. C'est ça, à savoir les échecs et la boxe c'est mélangée. Ça, voilà. C'est ça, et on suit la Fédération Française de Chess Boxing pour les championnats du monde. C'est ça. Et c'est très émouvant, et j'aime beaucoup ce documentaire. Et voilà, et sinon pas énormément de grosses actus pour Vanessa, qu'on peut retrouver à la salle de sport, je développe, comme on dit, voilà, on connaît mais ces phases-là où on attend des réponses, c'est voilà, ça, c'est ça. Donc j'écris, on travaille dans l'ombre et produis. Après souvent tout sort en 3 mois et on fait, ça y est, c'est un grand vide. Exactement, ouais, voilà, c'est ça. Ça décante, mais génial. Je suis très heureuse de vivre en ce moment. Bon bah c'est déjà, c'est énorme hein, déjà, c'est pas mal quand même, énorme. La chance. Adrien, pas grand chose non plus. Moi, il y a toujours la bonne auberge. Qui termine sa saison qui là. Qui se termine bientôt. Puis après, il y aura. Oui, ça a été annoncé, je crois. Mais du coup, il y aura le dernier épisode qui sera en live en octobre. Super. Et c'est vraiment la fin de. Ah, c'est en octobre, c'est pas tout de suite. Oui, très, très loin. mais voilà, pour des raisons techniques, bien sûr, machin, bien sûr, c'est dans longtemps. Et sinon, pas grand chose en ce moment. Ouais. Enfin, je bosse sur des trucs, mais qui sortiront dans, tu écris dans beaucoup, 2 ans. Ouais. Sur des tournages. Et puis, j'ai envie de me remettre à Twitch en ce moment, mais je trouve jamais l'impulsion de le faire. Mais puis, ça va. Enfin, moi, Twitch, viens, c'est un peu. On fera un truc ensemble. Mais bien sûr, avec plaisir. Allez. Bah oui, moi, faut que tu viennes à la maison en plus. Ah, mais moi, je serais ravi parce que je. Enfin, je me suis incrusté dans cette. Oui, non, mais. Bien sûr. Ma... Non, mais parce j'adore que... Twitcher avec des gens. Et moi, écoute, ouais. Moi, je n'aime. Enfin, je n'aime pas. Je me sens pas de Twitcher, mais j'adorerais participer. Par contre, on m'avait dit bon que dire Twitcher, c'est très ringard. Faut dire streamer. Ça a aucun problème pour oui, moi. Oui. Mais participer en invité à des trucs sur Twitch, ah bah alors, j'adorerais. Bah en plus, moi, ils seraient fous, les gens que ah tu bah ouais, viennes. Moi, moi, souvent, je viens sur ton chat, je fais ah des oui, blagues, oui, oui. J'adore mais ça. Non, mais que tu viennes et qu'on parle, ah bah fasse un truc. Avec plaisir, moi, j'adore participer. Ah bah, trop bien. Et pendant le confinement, j'avais participé à des lives aussi, à des de gens et tout, et j'avais trop kiffé. Quoi. Donc, ah bah, on va se faire ça. Avec grand plaisir. On va se faire ça. Voilà. Twitch Family, là. On a un concept de ciné-dîner club aussi. Vous pouvez venir à la maison. On se fait des petits dîners et le dîner a une relation avec le film oh, qu'on j'adore va regarder. Ah, c'est génial. Ouais. Alors c'est un peu tiré par les cheveux de oui, alors, oui, parce que le dernier qu'on Titan, a... c'était ça Le dernier c'était Morse. Le vampire. Ah. Et du coup, bon, il a fallu faire une salade de betterave pour que ça fasse du sang. La sangria. Tu vois, c'est vite un peu. Voilà. Il y avait de la tomate bien, moi, pour le plat. C'est un film de vampire, il a fallu se mettre des gousses d'ail dans le cul. Bon, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Enfin bref. Là, mon ami. C'est le chien fou d'ailleurs. C'est le chien fou qui s'est mis une gousse d'ail. C'est pour ça qu'il était gêné. Écoutez, j'ai trop de mal bouché par. Une gousse d'ail, j'arrive enfin à l'évacuer. Voilà, et quant à moi, cet été, fin août, le Blu-ray des Le Roi et la VOD. Ouais, ouais. Donc voilà, vous allez pouvoir le télécharger légalement. On peut spoiler un truc. Ah ouais, bien sûr, il y a plein de bonus dans le Blu-ray des Le Roi. Il y a du making-of, il y a des images de casting, il y a des scènes coupées. Il y a la version commentée par toi. Je fais un commentaire audio un peu réel, un peu comme on fait. Et un truc qui n'a aucun sens. Il y a la version podcast. Il y a une version commentée par Flo et moi. Mais c'est vrai? Oui, ouais. Où on dit n'importe c'est quoi. C'est génial. On podcast et on dit n'importe quoi pendant 1h40 pendant on a film. Enregistré ça ici même. Voilà. Et voilà. Donc, non, mais du coup, on a fait ça. Ça ne vous apprendra rien sur le film. Rien. Mais c'est une autre façon de voir le film, mais je pense. Quoi, bonne heure et demie. Il y a le film dans le fond et vous coupez. En fait, c'est ça. Non, t'as l'image. T'as l'image et la bande son. C'est nous qui parlons, quoi. C'est comme les versions où tu dis ah, c'est avec le commentaire du. Mais là, c'est nous qui faisons les commentaires et ça n'a aucun sens. Voilà. C'est génial. Donc on a kiffé faire ça et ça fait partie des bonus qu'il y aura dans le Blu-ray, je crois, dès le Roi. Fin août, j'ai plus la date exactement. Bon, tu mais mais fin août. Voilà. Merci tout le monde. Salut. Merci. Ciao. Bye. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.